fort de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab. Avec Maria Carré en plus. Merry Christmas, everyone. Merci de nous avoir choisis, merci d'être là, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous avez passé une très très belle journée. Moi j'ai passé une très belle journée. J'ai passé une très belle journée, on a préparé le Extravadance de ce week-end. Ouais. Samedi 21h. Dimanche. Non, je sais plus où je suis, je vous le dis tout de suite. Je suis là tous les jours. Je vous le dis tout de suite, je ne sais plus où je suis. Alors on a préparé des trucs, on a préparé des vidéos. Tout, à partir de demain soir, on aura Jennifer, à partir de demain soir on prend quelques jours de vacances, nous serons de retour le 3. Oui. Et vous allez pouvoir regarder toutes nos vidéos sur ma chaîne YouTube. Plus d'1,5 milliard de vues grâce à vous. La chaîne s'appelle Coé Officiel. Vous êtes plus de 3 millions à être abonnés. Merci à vous tous. Continuez de nous suivre. Et n'oubliez pas, donc 24 décembre, je vous donne rendez-vous sur Facebook. Vous serez pour un Facebook Live 18h pour le 24 décembre. Vous faire un bisou avant que toute l'armada familiale gentil, débarque. C'est cool ça. Et pendant que vous êtes encore détendu et pas encore ni saoulé ni sous. Donc, parce qu'il va y avoir un petit peu les deux. À 18h, c'est l'apéro. C'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de commencer par une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle dans un instant. Je vous expliquerai tout. Nous aurons les champions du monde de l'actu. Avec le voleur le plus con du monde. Dans l'actu, nous parlons de Mbappé. Nous parlerons d'un escape game pour adultes. Nous aurons, et attention, signal d'alarme, les jouets non conformes qui arrivent et que vous achetez sur internet, qui sont dangereux pour vos enfants. Je vous ferai le listing tout à l'heure. Nous aurons le top 10 des plus beaux cadeaux de Noël demandés par les enfants cette année. Et les plus beaux jouets d'adultes demandés cette année. Voilà, je vais faire un petit truc groupé là-dedans. Nous aurons les pires idées cadeaux, parce que peut-être que c'est la dernière ligne droite et que vous n'avez toujours pas d'idées cadeaux, je vous ne donnerai pas les meilleures. Bah non, bonnes idées, je les garde pour moi. Bah oui, je donnerai les pires. Si c'est vraiment pour quelqu'un que vous avez envie de rire, vous avez envie de lui faire une salvane, il y a une liste de cadeaux, je vous assure, il y en a certains, ils sont très très drôles. Jusqu'à 10 000 euros à gagner dans un instant. Et je sens les sous là. Ah, tu les sens? Oui, je sens les sous. Vous savez quoi? Je mets une enveloppe à 3 000. Okay. Je remets une enveloppe à 3 000. Wow, ah ouais. D'accord. Je mets une enveloppe à 10 000. Je remets une enveloppe à 10 000. Et une enveloppe à 100 euros. Oh putain. Ah, deux va, enveloppes minimum. À 10 000, deux enveloppes à 3 000, 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message. Et puis on n'en parle plus. Je vous appelle tout à l'heure. Seulement si vous êtes sur SMS, sinon je ne pourrais pas vous appeler. Qu'est-ce qu'on aura d'autre encore? Les questions du Père Noël, oui. Le Père Noël sera là tout à l'heure, les mamans et les enfants qui nous écoutaient dans la voiture. Le Père Noël sera là, il répondra à des questions d'enfants. Et puis il nous reste, ça c'est la mauvaise nouvelle, j'y arrive, 80 ans à vivre. Ah bon ? On vient de l'apprendre, dans 80 ans, en théorie, si on ne fait rien, on est tous morts. Voire 60 ans, parce que le permafrost, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Le permafrost, qui est la couche de glace, est en train de fondre à vue d'œil. À l'intérieur, il y a des tas de virus. C'est pas tellement le problème qu'elle fonde, c'est qu'à l'intérieur, il y a des tas de virus, des tas de choses qui ont été congelées, des bactéries, etc. Et que si c'est remis à la lumière, il peut y avoir des tas de saloperies. De nouvelles maladies. Ouais. Voilà. Et donc, en gros, on peut tous mourir dans 80 ans. Mais c'est rien, 80 ans. Et en plus, ce qui nous emmerde avec les histoires de voitures qui polluent, alors qu'on va tous mourir par autre chose. C'est ça. Mais vous savez quoi? Mais moi, je sors de la voiture, mais je vais louer de la radio, je vais louer un 4x4, je fais des tours dans la cour d'énergie. Mais oui, pour toutes les fois où j'ai pris un scooter électrique qui m'a coûté cher. Oh, mais ouais, non, c'est dangereux, rigolez pas avec ça. Nous aurons tout à l'heure à 18h les enfants de la vérité. Vous connaissez le principe, les enfants font gagner les parents avec des gros cadeaux. Nous aurons tout à l'heure l'annonce du Père Noël avec une famille qui cherche un Père Noël pour le 24. Un faux, hein? Quelqu'un qui se déguise. Je me proposerai comme d'habitude. D'accord. On aura Rita Ora qui sera notre invitée tout à l'heure. Je suis très content, Rita Ora, elle est magnifique. Le nouveau, c'est celui-là. Hashtag Rita Ora chez Coé sur Énergie, c'est le hashtag sur Twitter. Merci de nous suivre, vous tous. Suivez-moi sur Instagram aussi. Et comme ça, vous saurez toute l'émission. Non, je disais, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, donc, c'est qu'on meurt tous dans 80 ans. Mais il y a un petit jeune qui est né, un enfant qui est né à la gare Montparnasse. Aujourd'hui? Okay. Voilà, hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On lui fait un gros bisou. Il est né dans la gare, comme les films. Et dans les films, on vous dit toujours, quand il est à un endroit, il a droit à un truc gratuit. Voilà, et bien, ils lui ont donné une carte imaginaire à vie. Ah, sympa. C'est plutôt pas mal, non? C'est bien. C'est vachement bien. Il donnait une carte imaginaire. Il démarre bien, ce gamin. Il sera en retard toute sa vie. Il sera en retard. Il sera en grève. Il sera en travaux. Il peut y avoir des objets qui tombent sur sa voie. Commence bien. Oh, le gamin, il commence. C'est un cinder. On lui donne un truc, là, dès le démarrage. Bon, allez, je vous présente toute l'équipe. On y va. J'ai tout le monde. Par contre, j'ai pas la feuille de présentation de tout le monde. Ça, c'est la programmation d'Extravalence. Ça, ça vaut de l'or, ça. Ça vaut très cher. Ça. Oh là. Ça. Samedi soir, 21h. Sans le talent. Il y a du talent, the genius. Je le dis. La présentation de l'équipe aujourd'hui, ça y est, c'est les vacances de Noël ou presque. Il nous reste encore demain. Et notre réalisateur est content car il va jouer le rôle du Père Noël dans sa famille. Ouais. Oui, Bichette. C'est vrai. Par contre, les enfants vont rien comprendre. Je les entends déjà dire « Pourquoi Papa Noël a autant maigri ? Pourquoi Papa Noël, il sent la bière ? Pourquoi Papa Noël, il sait pas laver les cheveux ?» C'est notre réalisateur, c'est Bichette. Bonsoir. Sa mère l'a chargé de gérer le dessert du repas du réveillon à Montmico. Et il a une super idée. Il va coller 30 pépitos les uns contre les autres, ça fera une bûche. Quelle imagination ! Mico qui est avec nous. Bonsoir. Mastouf a reçu sa tenue de Mère Noël. Elle l'a essayée et son fils lui a dit « Maman, pourquoi la Mère Noël, elle a un fouet en cuir et des menottes ? » elle est coquine, c'est Stouf. En même temps, c'est vrai que moi j'ai vu le costume de Père Noël arriver, elle a commandé chez Démonia, fallait pas s'attendre à autre chose. Il est content car il va pouvoir faire goûter sa toute nouvelle recette pour le repas de réveillon, la dinde fourrée à la rillette et aux œufs Kinder. Oh, ça va être bien dégueulasse toute cette bouffe. Je suis content de pas manger chez lui, c'est mon Jeff qui est là avec nous. C'est pas ce qui est bon. Mais quel curieux. Il a appris Bordas ce que ses parents lui offraient pour Noël et il est ravi. Ils lui ont pris une Smartbox. Oui, 2 jours pour apprendre à devenir un bon community manager. Ça aurait dû lui offrir du moins 10 Smartbox. Parce que 2, ça marchera jamais. C'est Bordas qui est avec nous. Bienvenue. Et merci de nous suivre. Ah, super. On est sur Énergie. C'est Koé. C'est le Bifort sur Énergie. Champion du monde de l'actu. Beaucoup d'argent à gagner dans un instant. Todos están pendientes a ti. Pero tu puesta pa' mi. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto. Dile que tú eres mía desde la I. El yerno favorito de tu Mike. Dijo que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ya, ya. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Es mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. C'est Koé, c'est le plus fort sur Énergie. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien, c'est que j'ai entendu quelqu'un de cette équipe qui a fait ses courses de Noël. Ouais. J'ai entendu cette phrase. Oh là là, une couille en moins la Switch. Visiblement, vu le prix, je trouve ça tellement classe. Ouais, surtout quand c'est pas un homme. Ah d'accord. Oh, une couille en moins. Ah, j'avais pas Switch. Entendu. Ah, oui. D'ailleurs, c'est les slogans, les supermarchés, ils ont mis ça. Le prix, prix couille en moins, c'est écrit. Tellement, ah bah. Tellement c'est cher. Du coup, Stouf, t'as dû en acheter deux, non ? Dans un instant, nous aurons 10 000 euros à vous offrir, 7, 10, 12 par SMS. Il va y avoir des pires cadeaux de Noël que vous pouvez offrir aux gens. Nous aurons le zap télé de Mico. Il y aura quoi dedans ? Redis-moi, Mico. Alors, résumé en 3 mots, testicule, chatte, Moussaka. Merci beaucoup. C'est pas moi, c'est le zap. Hein. Ça vient de la télévision, ça n'est pas nous. Mais avant, je sais qu'avant 20h, nous aurons la réponse à cette question que nous allons avoir entre nous aujourd'hui. Une question scientifique, une question digne de la police. La question est extrêmement simple. Merde, ça marche pas. Où est donc passé le sapin de Noël dans le hall d'énergie? Ah oui. Depuis 5 jours, les salariés se disent ils ont dû oublier. Les salariés eux-mêmes ont regardé dans leur agenda en se disant « Mais sommes-nous à Noël ?» Et pourtant, à 2-3 jours de l'événement, aucun sapin dans le hall d'énergie. Alors, c'est pas, nous n'avons pas d'idée nous-mêmes. La police piétine, le parquet a ouvert une enquête. Alors Jean-Paul en a peut-être 25 dans son bureau. C'est ça. Peut-être que c'est devenu une forêt, il n'ose pas les donner. Résultat, il n'y a pas de sapin dans le hall d'énergie. Alors qu'à la sécurité sociale de Mulhouse, je vais vous demander un truc. Vous êtes au bureau, vous m'écoutez. Vous êtes dans un bureau, mais vraiment une société moche. Il y a toujours des bureaux moches. Oui. Genre une société de transport, il y a des trucs pas sexy. Mais vous avez un très beau sapin de Noël. Envoyez-le nous en photo. Allez sur mon Facebook ou koe@energie.com. J'ai très envie de voir des sapins de Noël. Parce que je crois que... Non, mais ils ont dû oublier. Oublié. Ouais, ça doit être ça. T'arriveras à Pâques, bah, bien sûr. Ouais, oui, ça doit être ça. Pourquoi ça ne marche pas quand j'appuie sur mes trucs aujourd'hui? J'appuie sur mon appareil, mon écran a l'air cassé. Ah bah parce que ça n'a pas été modifié. Ok, magnifique, très bien. Champion du monde de l'actu. Allez, on y va, premier champion du monde, c'est à Alès. 3 individus viennent d'être arrêtés, ils sont fantastiques par les gendarmes. Grosse affaire, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé 1 tonne de courge. Vous avez bien entendu, 1 tonne de courge, le 31 octobre, le soir d'Halloween, sur les terres d'un agriculteur. Comme ils sont très intelligents, ils se sont fait choper grâce aux caméras de surveillance parce qu'ils ont commis le vol avec leur voiture, sans cacher les plaques d'immatriculation. Ah bah oui. Sans déconner, qu'est-ce que tu fous d'une tonne de courge? Tu vas pas faire de la soupe à la courge toute ta vie? 1 tonne de courge, je pense que les... C'est un peu beaucoup. Mais oui, puis les policiers, ils sont allés. C'était pour Halloween, ils leur ont dit « Alors, un bonbon ou la prison à vie? Qu'est-ce que vous préférez ?» Deuxième champion du monde dans le Nord, à Calais. Il y a une femme qui a eu l'idée de porter un bracelet électronique à son propre chat. Elle était condamnée le 12 décembre à une peine de prison pour conduite sans permis et en récidive. Ah bah, incroyable ça. Et dès le lendemain, elle a réussi à retirer son bracelet électronique pour le mettre autour du cou de son chat. Ce qui est donc strictement Jeff... Interdit, illégal. C'est interdit, c'est illégal. Du coup, les policiers ont rapidement débarqué à son domicile et ils l'ont trouvé. Allez, elle faisait quoi? Allez, elle a enlevé le bracelet, c'est qu'elle devait faire un truc. Elle mangeait dans la gamelle du chat. Non. Elle est partie au casino, un truc. Non. Si t'enlèves ton bracelet et que tu le mets à ton chat, c'est qu'il y a une raison. Si tu veux partir. Eh bah, pas du tout, puisqu'ils l'ont trouvé en train de dormir à côté du chat. C'est-à-dire que la meuf s'est fait chier à enlever un bracelet, à le mettre autour du chat pour ne pas bouger de la maison et rester à côté du chat. Ah, je n'avais pas besoin de ça gratter, ça. Et ils s'en sont rendus compte, ils ont vu que le bracelet électronique, il est resté 4 heures devant la fenêtre, ensuite que le bracelet électronique s'est fait des griffes dans le canapé, et qu'après il a fait caca à côté de la caisse. Il s'est léché aussi. Le bracelet. Et que nous, on ne peut pas faire. Champion du monde, toute catégorie! Les pompiers, on en a parlé rapidement hier, 2017-2018, les sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention, une hausse de 23% sur un an. 23%, c'est pire que les chiffres qu'on disait hier. Ouais, oui. 23% la hausse des agressions des pompiers. Voilà, c'est complètement con. Je fais un bisou à tous les pompiers qui nous écoutent, parce qu'un jour, les pompiers, ils vont en avoir marre. Et vous appellerez les pompiers parce que votre maison est en feu, ils vous enverront une bouteille de cristalline par chronopost. Et là, vous regretterez. À tout de suite. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé.

Plus que quelques jours pour trouver vos cadeaux de Noël. Alors comme par magie, la Halle vous simplifie la vie et vous offre 6 jours vraiment magiques. Jusqu'au 24 décembre, même le dimanche, à la Halle, votre deuxième article est à moins 50% sur tous les vêtements et chaussures. Vite, moins 50%, c'est vraiment magique. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions au magasin et sur lahalle.com. Waouh, t'as changé un truc, non? Une nouvelle couleur? Ah non, je sais, t'as changé de style. Ah, c'est vrai que mon salon est plus rayonnant. Hein. C'est peut-être grâce à l'aloe vera que Loïc m'a offert. Ça a des vertus rajeunissantes, il paraît. Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez IKEA. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'aloe vera et son cache-pot 12 cm à 4,99€ au lieu de 6€. Profitez-en grâce à notre carte gratuite IKEA Family. IKEA. Offre dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur IKEA.fr. Son équipe sur Énergie. C'est Coé, c'est le Bifort. 17h, 18h sur Énergie. Merci de nous avoir choisi le Zap Télé dans un instant. De l'argent, j'ai deux enveloppes à 3000, deux enveloppes à 10 000. Oh, beaucoup d'argent. 7, 10, 12 en mettant Coé au début de votre message. Viens chercher bonheur. Voilà, je suis en train de repenser à des expressions de... De quoi? De la couille de... Ah oui. Ah oui, enfin tu nous en as fait une belle avant la pub aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, ouais. Ah, c'était pas mal, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous présente l'homme qui fait les super cadeaux à ses auditeurs. SMS, les pires cadeaux de Noël à gagner. Le Zap Télé Nico, c'est ce qui arrive dans le premier. Mais quand je dis les ménants, c'est parce que je voulais dire je ferai un truc sur les pires cadeaux de Noël à offrir et il y a 10 000 euros à gagner. C'est vrai que j'ai contracté les deux. Il y aura les pires 10 000 euros à gagner dans l'instant. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu rapide sur le dossier là, mais bon. Bon, tout à l'heure nous aurons la compile du permafrost, puisque vous savez que c'est pas un curé le permafrost. Le perpendiculaire, le pervers et le permafrost. Allez le voir là-bas. Le premier, il est froid comme mec. Père d'odieux. Et donc, le permafrost, donc, s'ils font complètement, nous allons certainement mourir. C'est ce que disent des chercheurs dans 60 à 80 ans. Wouh, profitons de la fête. Hein. C'est la fête. Ah oui, non, mais là, arrêtons les conneries de sans alcool, la fête est plus folle. Là, tu peux y aller. Hein. Tu sais que dans 60 ans, il n'y a plus personne. On s'en occupera dans quelques minutes. Mais j'ai la liste. Alors, ça, c'est une liste géniale. Les cadeaux de Noël. Vous n'avez pas d'idée. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Ah oui, non. Oui. Mais aucune idée encore. Rien. C'est dans 3 jours, ils ne savent pas quoi offrir. Voici une vraie sélection de cadeaux qui existe vraiment, qui moi m'amuse beaucoup. On y va ? Oui. Allez. Allez, il y a un livre qui s'appelle Comment traumatiser les enfants. Il coûte 7,99€. Génial. C'est génial. Il y a écrit Comment traumatiser un enfant pour en faire un enfant inadapté. Mais génial. Allez, on continue. Le mug impoli avec un doigt à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un mug. Dans le fond, vous avez un truc qui vous fait un doigt, mais il faut bien finir son café pour voir le doigt. Tenez, patron. Finissez bien votre thé, hein, sinon vous n'aurez pas le signe, vous n'aurez pas le message complet. Vous n'aurez qu'un bout. Je l'ai fait moi-même. Jeff, une idée pour toi, le poster pour apprendre à commander une bière dans toutes les langues. 12,95€. Génial. Cerveza, por favor. Shiru, Nagai, Shimazu. Ein Bill, Dak. Il y a toutes les langues, il y a toutes les langues. Oui, tu le savais déjà. Oui. Le dictionnaire des insultes oubliées, ça coûte 3€ chez Amazon, avec foutre bleu, abatteur de couilles, marpeau, salisson. Salisson. On continue, le calendrier des hommes et des chatons, c'est pointu, c'est pour ceux qui aiment les hommes et les chatons. Pour Stouff. 9,99€, un livre sur l'art de péter à partir de 5€. C'est génial. Qu'est-ce que tu peux dire de un gel douche à la bière pour sentir bon la binouze dès le matin, 10€. Oh là là. Le décapsuleur qui compte le nombre de bouteilles ouvertes pendant la soirée. Voilà, il y a un petit compteur. 16€. La corne de licorne pour chat. Alors là, c'est extraordinaire. C'est vous avez un chat, mais vous rêvez d'avoir une licorne. Vous lui mettez le truc en plastique au-dessus. Et alors, où votre chat le supporte, ou il devient ouf. Hein. T'as vu la tête du chat, il a l'air heureux. Ah, ils ont pas l'air. Bah non, tu parles, tu lui mets un truc en plastique. Le livre Comment ne pas devenir un vieux con, 6,50€. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le désodorisant bacon pour la voiture. C'est un déo en forme de bacon et tu le pends à ton rétro. C'est sympa. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Attends, comment le livre, elle voulait pas te le dire. Comment devenir un vieux? Trop tard, je suis déjà. Les chaussons emoji caca, comme ça tu mets les deux pieds dedans dès le matin. Ah, le déguisement de licorne pour les doigts. T'as les sabots et pour le cinquième doigt, c'est la tête et tu fais brouter ta licorne sur le bureau. Ça coûte 9,54€. Enfin, faut vraiment avoir rien à faire. Le chocolat au tabasco, ça c'est pour celui c'est drôle, qui aime le chocolat et qui aime avoir des brûlures quand il fait caca. Le tabasco. La bouée pour enfants en forme d'aileron de requin. Comme ça, votre gamin, il se baigne dans la mer et il n'y a que l'aileron de requin. Personne n'emmerde. À 27€ quand même, hein, ça fait cher du gag. Le jeu de basket pour toilette, vous faites popo et en même temps vous visez le petit panier. Le calendrier de coloriage pour adultes avec que des boops. Ah, ça, il y a écrit Color My Boops et vous coloriez les seins. Le parapluie Fuck la pluie, quand vous l'ouvrez, c'est un gros doigt comme ça. Tenez, patron, ça va avec le mag. Le parfum Fleur d'Anus, on en avait déjà parlé. Ouais. Le spray buccal, alors ça, j'ai pas bien compris, pour avoir l'accent irlandais. Ah, bah c'est pour chanter quand même le Dajou. Et enfin, la tétine. Pour que votre bambin soit un rappeur, c'est une tétine, mais le tour de la tétine, c'est comme si c'était des dents en or. C'est bien avoir un petit Joey Star dans son biberon. C'est le Bifort sur Énergie. 10 000 euros, c'est ce que je vous souhaite dans un instant. 7, 10, 12 par SMS. Bonne chance. She's mean, you know you love it. She tastes so sweet. Don't me. You have your mind. I know it's strange. We're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane. But don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Sur Énergie. Avez-vous envie de gagner de l'argent? Oui. Oh oui, bah oui, oui. Un coup d'une couille, là, je viens de trouver mon jean alors. Oui, alors, Miko, c'est ton jean? À l'instant. Effectivement. Et dans ces moments-là, tu remercies le Seigneur d'avoir bien caleçon. Oui. Parce que vu où il y a des déchirures, oui, croyez-moi, il y a des filles qui paieraient cher pour voir une déchirure à cet endroit-là. Vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je rappelle que dans un instant, il y aura le Zap Télé de Miko. Oui. Nous aurons tout à l'heure le Père Noël en vrai qui sera là. Le hashtag Rita Ora chez Koé sur Énergie, puisque Rita Ora sera notre invitée tout à l'heure. Et c'est le seul moyen de parler à Rita Ora, c'est d'envoyer, de jouer sur Twitter et on vous prendra au hasard si vous voulez lui faire un petit bisou, même si vous n'êtes pas très bon en anglais. Vous inquiétez pas, nous non plus. Pour l'instant, tout le monde a son enveloppe? Oui. Tout le monde, j'ai distribué. Il y a deux enveloppes à 3000, deux enveloppes à 10 000. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Je croise les doigts, je serre les fesses, je retiens tout. Bravo, hein, ce matin, les 50 000 euros sont tombés chez Manu pour la police suprême. Oui, c'est top. Irène! Oh putain, non! Oh putain, si! Je m'appelle Koé. Gilles de la Tourette. Comment ça va? Ah, ça va très bien, ouais. Ça va ma petite Irène, et tu es en voiture, je l'entends au bruit. Oui. Voilà, je l'avais entendu. Où es-tu exactement? Sur la route. Oui, je me doute bien. C'est pas vrai. T'étais pas en pleine forêt, dans les champs, en train de faire du 4x4. Mais où? Non, je raccompagne des jeunes chez eux. D'accord, très bien. Alors s'il te plaît, tu es en kit main libre? Oui. C'est l'oreillette ou le kit main libre? C'est pas pareil. Ah non, non, c'est le Bluetooth du camion. D'accord, est-ce qu'ils ils entendent à l'arrière? Oui, ils entendent, oui. Parce que j'ai une grande fan de toi en plus à côté de moi. Attends, je vais demander, est-ce que vous m'entendez à côté? Répondez. Ah, elle est en train de pleurer. Oh, oh merde. Pourquoi? Tu conduis si mal que ça? Tu lui donnes. Non, non, elle a peur, salaud. Attention, Irène. Irène, j'ai mis des enveloppes, il y a pas mal d'argent aujourd'hui. Ne me prends pas l'enveloppe à 100 euros, ne me prends pas l'enveloppe à 3 euros. S'il te plaît, d'accord? Tu me trouves la bonne enveloppe et tu vas gagner des sous avant Noël. Tu as des enfants? Oui, j'en ai 6. Pardon? 6? 6? Oui. Ah, mais t'as pas la télé, toi? Mais comment. C'est quoi les prénoms, si tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, ouais. C'est Lucie, Claire, Lorenzo, Alan, Enzo, Méline. Incroyable. En plus, t'as pris Lorenzo et Enzo. Tu veux les embrouilles, toi? Oui. Le prochain, ce sera Zo. À chaque fois, on enlève un mot. Lorenzo, Enzo, Zo. Non, boys band. Mais si, tu nous feras un 7ème, c'est ce qu'on dit, jamais 607. Mais bien sûr que si, comme la voiture. La machine, elle est cassée. Ouais, la machine est cassée. Bah, vous en êtes servi beaucoup aussi. Attention, oui, tu me trouves la bonne enveloppe et tu gagnes les sous à l'intérieur de l'enveloppe. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Qui choisis-tu entre Bichette, le réalisateur, Jeff, Stouff, moi-même, Bordas, Miko? Je veux dire Stouff. Ah, solidarité féminine. Stouff, tu me fais un truc bien, c'est tout. Oui. C'est bientôt Noël, elle a 6 bouches à nourrir. C'est le mec qui commence à 6 bouches qui sont comme ça, qui font j'ai faim maman, j'ai faim maman. Ouais, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Y'a personne sur la route, t'es tranquille, tu roules tranquille? Oui, je roule tranquille, j'ai un bus devant moi. Ah, fais attention quand même. Ralenti alors. Combien? Ouais, c'est vachement bien. C'est combien? C'est 3000 euros. Oh putain, je me vois énorme. Irène, montre. Irène. Tu gagnes 3000 euros, Irène. Bravo. Joyeux Noël, ma chérie. Bravo. 3000 euros. Divisé. Mais ça va faire un bien fou, ça. Ça y est, ça fait tous les cadeaux de Noël, ça fait les dettes. Le repas. Ça fait les repas. Ça fait les repas. Tu ne bouffes pas pour 3000 euros. Hein. Ça en fait des trucs. Je te fais des gros bisous, Irène. Merci beaucoup, merci. Je t'embrasse fort. Et la petite veut toujours pas me parler. Comment elle s'appelle? Elle pleure. Emma. Emma, tu es là, Emma? Oui. Maman, c'est ta mère, non? Vous êtes non, pas du tout. La dame à côté de toi qui t'a kidnappé, je sais pas qui c'est, vient de gagner 3000 euros. Je sais, tu t'en fous, c'est pas toi. Mais bon, je te fais un gros bisou, Emma, et je t'embrasse, Irène. Bravo pour les 3000 euros. Bisous. C'est le Bifort sur Énergie. Ah, je suis content, je suis un homme heureux. Comment puis-je oublier? Mais je ne peux pas. Ce coin de paradis. Impossible. Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Ben oui, je l'oublie pas. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants. Bailleux s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Il y a bien une chose que j'aime, plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tunnel, oui j'ai coé. L'écouter tous les soirs, j'ai les oreilles qui frisent. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathédère. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Début décembre, début janvier, vous verrez la télévision sur W9 le moment où je chante avec trois cafés gourmands. Je vous demanderai d'être. Non, gentil. Je crois que c'est eux qui chantent avec toi. Non, c'est pas ça. Si ça a été annoncé comme ça. Font les cœurs. Tout le monde va chanter contre le cancer. Non, j'ai fait vraiment, c'est pas chacun son truc. Et puis le grand concours des humoristes sur TF1. Tout à fait, le 5 janvier 21h. Ah, des humoristes. Donc t'as changé, t'es plus dans. Les animateurs ? Ouais. Non, je fais tout ce qu'il y a à prendre, j'attends qu'ils fassent les chauves. Dès que je change de catégorie à chaque fois. En fait, j'arrive, je prends le prix, après je dis bon, je peux changer de catégorie parce que je me fais chier. Hop, une autre catégorie, j'attends qu'ils créent une catégorie. Voilà, dès qu'il y a le grand concours des gros lourds, je prends. Ils ont même parlé de moi sur RTL, disons. Absolument, hein. Hier. Mais oui, je vous assure. Tout ça pour aller faire quoi, sur Ruquier, le grand Mabille. Concours des humoristes. Ils mangent à tous les râteliers. On a terminé à minuit et demi, alors donc. Le grand concours des humoristes ? Oui. Mais t'es pas humoriste, toi ? Bah non, mais j'y étais. Oh là là. Il y en avait plein qui n'étaient pas humoristes. Et alors, t'as gagné ? Non, je suis arrivé troisième. C'était qui était devant vous ? Coé. Vous voyez qu'il y avait que des humoristes. Oh ah oui. Et on dit qu'en France, il y a une fuite des cerveaux. Bon, bah, Péroni, on cherchait à faire une liste, on a le numéro 1. Oui. C'est vrai que dans le sondage qui est sorti hier, on était numéro 1. Et tout de suite, allez. Le flop 10. Bon, allez, on les embrasse. Je fais un bisou. Et c'est vrai que Bernard Mabille était avec moi. Il était pas troisième, il était quatrième. C'est qui Bernard Mabille? C'est un monsieur. Tu il tient une boutique de fringues. Il tient une boutique de fringues. Ouais, non, mais Bernard Mabille, c'est un grand monsieur quand même qui a écrit pour pas mal de gens. Voilà. On y va. Allez, dans l'émission, bon, plus beau Noël sur TF1, petite dégustation de testicules comme repas de Noël. C'est original. Ah oui, bien sûr. C'est du boudin de taureau. La saucisse. Un peu plus bas. un peu plus basse, c'est-à-dire la coucougnette. Mais ça va pas, Patrice? De la coucougnette? Non, Eusa. Ah, des couilles de taureau. Moi, j'aurais pas pensé tellement à faire ça comme petit plat de Noël. Et joyeux Noël! Oh non, moi non plus. Non, c'est vrai que bah, tu veux pas. C'est ça, pas là, non. C'est un peu chelou. Oh, c'est moyen. Oh, c'est chelou. Le matin, petit déj, oui, mais pas. Bon. Puis en parlant de boules, on n'a toujours pas de sapin de Noël à l'accueil des gens. L'enquête continue, on progresse. Alors, sur TMC, l'équipe de Quotidien est allée à un concours de chats, l'occasion de faire de bonnes blagues. Est-ce que vous pouvez me parler de votre chatte ici? Oui. Ouais, comme on n'est pas bien malin, ça nous fait toujours autant rire. C'est un chat ou c'est une chatte? C'est une minette. Comment vous l'entretenez, votre chatte? Je la brosse, je lui fais du toilettage, trois mains. Et est-ce que vous lui coupez les poils à votre chatte? Jamais. Elle a gagné un concours, votre chatte? Voilà, meilleure dans sa couleur. En fait, la télé redécouvre en 2018 les pires vannes que j'ai fait il y a 20 ans. Quoi. C'est ça, Non, mais demandez, j'en ai plein. Ouais, on a tout un stock. Oh là, il y en a certaines, j'ai honte, mais il y en a certaines, je vous les revends sans problème. Et alors, la dernière. Allez, tout le monde se souvient du fameux La Mer Noire. La Mer Noire. Champion. Bon, bah, c'est un peu le retour avec la moussaka. Ah. En Grèce, quel gratin de pâtes et de viande. Elisabeth. Moussaka? Ah non. Et de viande hachée. Clémence. J'allais dire la moussaka. Non, non. Et nappé d'une sauce, Siegfried. Le moussaka? Je crois que ça n'est pas la moussaka. Pouvant prendre la forme, Sébastien. Juste pour la blague, la moussaka. La moussaka. J'adore. Non, c'est pas la moussaka, ah, visiblement. On sait ce que c'est d'ailleurs. Non, j'ai. Non, ok, t'as pas suivi. J'ai pas regardé la moussaka. Ça me suffit, moi. Tu vois, c'est gênant parce que j'avais envie de savoir. Hein. Voici Barnick and Smack avec Gam Gam. Ils sont dans les titres que je mixe ce samedi soir. Bienvenue sur Énergie, le Père Noël dans 3 minutes. Ce titre-là, je peux pas m'empêcher de faire des bons. Je l'ai mis sur mon Insta. Suivez-moi sur Instagram, Koé Officiel. Vous verrez cette danse absolument ridicule. Merci d'être avec nous, tout va bien. Dans un instant, le Père Noël, un enfant lui posera vraiment des questions. Nous aurons une compil assez pessimiste dans quelques minutes. 18h, l'émission en public. 19h exactement, Rita Ora, ouais, qui sera notre invitée. Est-ce que vous savez ce que vous allez offrir pour Noël? Moi, j'ai la liste des top 10 de ce que les enfants vont recevoir. Vous êtes prêts? Oui. Pour les ados, 10e position. Tu peux avoir ma musique top 50, s'il te plaît, merci. 10e position, on les jouait. 9e, les chocolats. 8e, les consoles de jeux. 7e, chèque cadeau. 6e, vêtements et chaussures. 5, DVD et Blu-ray. Encore. 4, CD. Encore. 3, les livres. 2, argent de poche. Et première position. La Nintendo. Bah alors, jeux vidéo. Plus vidéo. Simplement, jeux vidéo. Moi, je rêverais d'offrir à mes ados un livre aussi. C'est bien un livre. Un Comment livre ranger ta chambre pour les nuls. En 10 ans. J'ai la liste pour les adultes aussi. Je sais ce qui va s'offrir. C'est quoi? 10e, les cartes cadeaux. 9, bijoux et montres. 8, chèques cadeaux. Un peu pareil. 7, produits de beauté et soins. 6, vêtements et chaussures. 5, argent. 4, CD et DVD. 3, cosmétiques et parfums. 2, chocolat. Et en 1. Ah non, pas les jeux vidéo, les livres. En un, c'est les livres pour les adultes. Waouh, oui, moi, il faudrait qu'on m'offre comment digérer tout ce gras pour les nuls. Parce que là, vous savez que notre estomac va vivre un marathon, là. Là, on va manger des trucs, plus de la boisson, plus des choses. Vous savez, des petits chocolats qu'on grignote, des petites saloperies. Reprends un bout de bûche. Oh, il reprend de ma dinde. Il a rien mangé. Mais il a rien mangé. Enfin, j'ai fourré cette dinde, j'ai mis 3 jours. Dans un instant, le Père Noël. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question, Glandu, non? Non, j'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais? Ah ouais. Dis donc. Après, c'est, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Ouais. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h, 9h30 sur Énergie. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap. Un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15€ de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 giga et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Marc, qui prépare ses fêtes de fin d'année, demande à la responsable du rayon frais. Avez-vous une idée pour une belle entrée? Oui, demain avec votre carte U, vous avez 40% offert en euros carte U sur l'étui de 10 tranches de saumon Atlantique de Norvège U à 10,99€, soit 4,40€ versés sur votre carte U. Et Marc repart avec son saumon fumé, frétillant comme un poisson dans l'eau. U. Commerçant autrement. Demain seulement dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Étui de 375 grammes, soit 29,31€ le kilo. Transformé en France. Pour votre santé, bougez plus. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Salut, c'est Alex Good. Ah, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy. Par exemple, cette semaine, il y a 100€ de remise sur tous les packs PlayStation 4. Et il y a également des offres incroyables sur les jeux comme FIFA 19, Call of Duty Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey ou Spider-Man. Et puis, il y a aussi plein d'idées cadeaux sur vos produits dérivés préférés. Fortnite, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Dragon Ball et tous les autres. Micromania, zing, libérons le pouvoir de l'imagination. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix, dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30.

T'avais pas dit que jamais de la vie t'achèterais ce genre de choses? Si, à Paris, c'est vrai. Je n'en aurais jamais. Mais à la campagne, il ne se passe absolument rien de palpitant chez moi à la campagne. À part l'enceinte, à part écouter Isabeau, tu veux des croquettes? Il ne va pas se passer des choses folles. Mais à Paris, je n'ai pas du tout envie qu'on m'écoute, pour être très honnête. Ok. Voilà, c'est parce que. Merci pour cette réponse. J'ai un petit manque de confiance sur ces trucs-là qui t'écoutent en permanence. C'est juste ce petite chose-là. C'est ultra pratique, mais je n'ai pas ultra envie chez moi. Bah, en même temps, Coco, le téléphone, on l'a tous sur nous. C'est la même chose. On peut m'entendre. Même éteint, hein. C'est pareil. C'est vrai. Mais oui, c'est la même. C'est pas, tout pareil. Bah oui. Bah bien sûr. Il a jeté son téléphone. Attends, c'est très vrai ce que tu dis là. Mais ouais, ouais, mais bien sûr, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais oui, les amis. En même temps, pas non plus des choses à cacher de dingue. Non. Bah non. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Allez, restez avec nous. J'essaierai ça ce week-end. Je vous ferai une petite vidéo. D'accord. Pour l'instant, je crois que le Père Noël peut arriver d'un moment à l'autre, puisque le Père Noël répond à vos questions en exclusivité. Ah ben voilà. Dérapage. Bonjour Père Noël. Bonjour. Y a-t-il des questions pour moi? Oui. Toujours. Tu vas avoir ton Noël, Jeff. Ah, c'est gentil, merci. Oui, je vais m'en occuper, Stouf. Oui. Tu as raison, elle coûte une couille, la console de jeu. Miko, tu auras aussi ton cadeau de Noël. Ah, merci, Père Noël. Tu auras ton cadeau de Noël aussi. Merci, Bichette. Père Noël. Et moi? Qui êtes-vous? C'est votre lutin, Père Noël. Puis-je entendre. Je vais travailler. Puis-je entendre une question? Coucou, Père Noël. Comment tu vas faire pour venir chez moi si j'ai pas de cheminée? Mais c'est une très bonne question. Et c'est très simple, mon petit. Depuis 2012, le Père Noël est numérique. Lorsqu'il n'y a pas de cheminée dans une maison, je me transforme en une multitude de chiffres de 1 et de 0 et je me glisse dans n'importe quel appareil de chauffage connecté. Radiateur, poêle à granules, grille pain, fer à repasser. Une fois chez toi, je me reforme en Père Noël. Sauf quand il y a des bugs. Je me retrouve avec le cul à la place du nez. Et là, c'est moche, mais c'est rare. Voilà, petit. J'espère avoir bien mitonné, bien répondu à ta question. Il y a une deuxième question, Père Noël. Mais bien sûr, je suis là, profitez-en. Bonjour, Père Noël. Bonjour. Et je m'appelle Jean-François et je suis avec ma copine Stéphanie, oui. Mon copain Michael et mes deux copains Guillaume et Guillaume. On aimerait savoir, Père Noël, pourquoi pour Noël, notre patron, il veut pas nous augmenter. C'est une très très bonne question. Je vois que tous les cours que je t'ai donnés pour améliorer la prononciation n'ont pas fonctionné. C'est une très bonne question. Eh bien, c'est parce que votre patron est une personne qui fait très attention aux finances de sa société. Un petit peu comme un certain Jean-Paul de Paris. Car c'est ce qu'il va vous dire. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Car vous vous moquez toujours de ses cheveux, de sa mauvaise foi et de ses kilos en trop. Et c'est bien faux pour vos gueules, bande de petits cons ingrats. Jamais vous aurez que... Jamais vous n'aurez rien. C'était toi non, c'est Père Noël. Le Père Noël s'en va. Je vous fais un signe de la main avec le doigt du milieu, les enfants. Ça, c'est pour vous, c'est pour la mort. Sur Énergie. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Grenade. My car gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade. Ça fait du bien d'entendre Bruno Mars. C'est trop bon. Maître Gims arrive. Oui, c'est le Bifort sur Énergie. Non, on était en train de réfléchir avec toute l'équipe. On se disait, mais quand on a une enceinte connectée à la maison, ça veut dire que tu lui dis, bon, coucou Google ou Alexa, réveille-moi demain 7h. Ouais, oui, oui. Et elle met le réveil. Absolument. Oui. Et donc, tu es avec une copine, par exemple, avec qui tu veux pas passer la nuit. Ouais. Comment tu fais pour commander un taxi discrètement, tu peux ou pas? Ok Google, appelle Uber. Okay. Ah, donc au milieu tu dois dire oh je t'aime chérie, c'est bon, je m'appelle Uber. Uber dans 5 minutes. Il faut crier certains mots plus fort que d'autres. Voilà. Alors. Mais non, tu t'appelles pas Uber, tu t'appelles quoi? Non, je m'appelle Uber dans 5 minutes. Tout de suite. Dans 5, 4, 3, 2, trop tard. Non, je crois que j'ai essayé ça. Bon, allez. Non, allez, là, je rigole, mais on va tous mourir. Voilà, donc. Ah oui, hop, il nous reste 60 ans à vivre maximum. Autant vous dire qu'il va falloir que j'ai un bon répertoire de vannes pour vous faire oublier tout ça. Oui. Le permafrost, c'est la couche de glace qui recouvre un cinquième du globe, quand même. Depuis des dizaines de milliers d'années, le problème, c'est qu'ils font à vue d'œil. Et oui, il fait de plus en plus chaud. Donc, en fondant, ça libère des gaz à effet de serre, du mercure, on va mourir. Des virus congelés depuis 10 000 ans, on va mourir. On connaît rien de ces virus-là. Hein. Que c'est peut-être ça qui a tué les dinosaures, on ne le sait pas. Il crée des glissements de terrain dans des villes entières. En gros, si on ne fait rien en 2080, on sera tous morts. Alors, à part installer une putain de clim au pôle Nord, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire de globalement. Parce que la France, on a beau faire ce qu'on veut, l'Europe, on a beau faire ce qu'on veut. T'as des pays type la Chine, l'Inde ou la Russie qui n'en ont rien à foutre de la pollution, qui sont en train de s'enrichir monstrueusement, notamment l'Inde, et qui polluent comme c'est pas permis. C'est-à-dire, quand bien même nous, on réduit. Mais comme eux, ils ne font rien, on n'est rien par rapport à eux. C'est fini, c'est plié de toute façon. Là. Je crois. Hein. Oh, ouais, complètement. Allez, rions avant de mourir. Donc voici la compile du permafrost. C'est, je suis le permafrost. Je vous bénis. Venez mon fils, je suis froid mais je suis sympa. Et la chanson d'abord des humains en général et surtout en ce moment. Du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Oui mais... Oui, mais pas trop, parce qu'il y a aussi la chanson du réchauffement climatique. Et c'est parti pour le chant, et c'est parti, tout le monde est chaud. La chanson également des Canadiens et des Russes qui vivent, eux, sur le permafrost. Tu as disparu. Ah, ah bon? Disparu. Permafrost, tu es où? Au coin de ta rue, je t'ai jamais. La chanson des scientifiques. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Oh, le permafrost, il m'a manqué à tout le monde. Ensuite, il y a la chanson des maisons et usines construites sur le permafrost. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Il y a aussi la chanson de tes poumons à cause de tous les gaz à effet de serre créés par la fonte du permafrost. De l'air, c'est juste une question de survie. Un peu d'air, de l'air, de l'air. Il y a aussi le réchauffement climatique qui fait fondre le permafrost. Du coup, ça crée des gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement climatique. Bon, ben, en gros... Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ah oui, ah oui, y a rien à faire. Sans parler de la chanson des conséquences désastreuses du mercure sur le corps humain. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Ah bah oui, on va être bien. Les pieds rentrés. Oh bah, on va être bien. Sans oublier la chanson des vieux virus qui sont enfermés dans le froid. Libérés, délivrés, je ne m'en irai plus jamais. Je vous la fais courte, voilà la chanson qui va cartonner jusque 2080, ça va être celle-là. Ouais, c'est la fin du monde. Vous l'avez prévu, hein? Vous l'avez prévu? C'est vrai, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est mon côté voyant, ça. Mon côté Madame Irma, bienvenue sur Énergie. Tiens, je le réécoute en même temps, parce que j'aime bien. C'est bien ce morceau, hein? Oh bah ouais, d'où? 10 millions de vues, hein?

With your bag, with your with you. Oh, Luigi. Luigi! Luigi, the Christmas tree! You keep the Christmas tree! Luigi, remets droit le Christmas tree! Yeah. Yes, Luigi, bah Luigi. Oui, bah oui, c'est Mario qui l'a dénoncé en plus. Luigi! Allez, bah Luigi, my Christmas tree! Déjà qu'on en a un dans tout l'immeuble! Un pour tout un immeuble! I'm very sorry, I killed your Christmas tree. No, you don't kill, but now he's very sad because. I think he's back please. Il était sad avant. Is he back? Oh, okay. It looked like yeah, it's back to and the ball. Please, and the ball. Laissez-nous la chouette là-bas, ouais. I get to keep the ball. Go to Maison du Monde if you want those. Go to Maison du Monde. Voilà. Show the world. Thank you, Luigi. Thank you. Voilà. Rita Ora sera notre invitée tout à l'heure. Elle sera là. Non, à quelle heure elle arrive exactement, Stouff? 19h, elle sera là. Toujours pas en rythme, alors. À mon avis, ça sent un public pas en rythme. Je crois qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui. Je crois qu'on a un public fatigué qui attend avec impatience les vacances. Ils en ont besoin. On leur met un titre de Rita Ora. On sent que ça commence à partir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non, j'écoutais s'ils entendaient juste. Mais oui, ils entendent bien, regarde. Non, Qu'est-ce qui se passe? Oui. On fait des répètes maintenant. Tous les jours, on fait des répètes. Ah, bah, vous l'avez pas faite alors, vous n'avez pas eu le temps. Non, on met le son à fond et dès que l'émission commence, bah, c'est le gros bordel. Tout le temps. C'est horrible. Je vais en mettre une autre. J'en mets une autre. Trop rapide. Non, mais il suffit qu'il y en ait un décalé, les autres suivent. Il l'a trouvé. Tu l'as trouvé, Coco? Trouvé là, c'est les deux là qui foutent le bordel. Non. Vous allez le faire que vous deux pour la peine. Pose le micro. Vous deux, absolument. Attendez, on y retourne. Ah si, elles sont bien. On dirait les Gypsy Kings, elles sont deux. Ça se décale. Qu'est-ce qu'elles sont bien? On dirait Kenji avec la famille. Doudou, elle est bien. Elles sont deux, elles sont complètement à côté. Et sous, elle fait. Ils sont bien. Ils se débrouillent. Non, c'est une catastrophe. Mais elle, vous avez encore 45 minutes, elle sera là tout à l'heure. Nous aurons une petite annonce qui est passée dans le bon coin. Quelqu'un qui est prêt à payer 75€ pour 2 heures de présence du Père Noël avec son costume pour être là le 24 décembre. C'est bien ça. Je serai un Père Noël. Alors j'ai fait le Père Noël qui n'aime pas les gosses. Oui. J'ai fait le Père Noël qui vole. Aujourd'hui, je ferai du Père Noël avec un fort accent belge. Oh, oh, très bien. C'est bien ça. Non, pas de problème. Il vient du pays qui veut le Père Noël. Qui c'est qui t'a dit qu'il venait pas de Moucron? Il vient peut-être de là-bas. Il y a pas de. Pas tout le monde en dit du Pôle Nord, Laponie. Arrête d'agiter les bras, toi qui t'as. On est en retard, quoi. Eh ben, tu seras en retard dans 2 minutes. On aura l'appel que. On aura le devine qui c'est dans 2 minutes. Et on fera les toutou rock'n'roll. Si vos chiens se font victimiser et ont peur des autres chiens quand ils font pipi dans le parc, il y a une nouvelle école qui vient d'arriver. On en parle juste après. Ah, en plus, j'adore ce titre. Ouais, c'est The Prince Karma. Montez le son chez vous à la maison. Merci de nous écouter. Merci d'être très nombreux à être là tous les jours. On s'amuse avec l'actu. On s'amuse à vous distraire tous les jours. Et merci pour tous vos gentils messages. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait plaisir. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches.

Bien sûr qu'on va lui demander. D'ailleurs, je voudrais remercier les Arforins, c'est ça ? Oui, qui nous ont de mis, Paris. Voilà, qui nous ont mis à dispo aujourd'hui une jolie déco. On avait une déco de Noël, bon, voilà. Et on a en plus aujourd'hui Barbe à Papa et on a des pop-corns. C'est mangeable. Super joli. Hein. C'est pas de la déco, donc ça veut dire que tout à l'heure, il va falloir que quelqu'un s'y colle parce que je vois le truc que l'émission elle va passer. Personne va faire de Barbe à Papa. Ils sont chauds, ils sont bons. Il adore faire ça. Non, mais moi, je même pour le public. Moi, j'ai envie que le public y s'y. Vous voulez des Barbe à Papa ou pas ? Voilà, bah c'est 2 euros. Il n'y a pas de petit profit. Non, mais c'est génial de pouvoir faire de la Barbe à Papa et des pop-corns dans un studio. Je trouve que c'est un super truc. On fait un devine qui c'est. Allez. Dans un instant, on aura un enfant en ligne avec. Vous savez que ce jeu, ça fait une semaine qu'on le fait. Ça fait une semaine que je ne retiens pas la séquence. La règle. Les enfants de la vérité. Les enfants de la vérité. Ah, le mot. Moi, ouais, j'avais le jeu de la vérité sort de la bouche des enfants. J'ai 12 000 noms, mais j'ai pas le vrai nom du jeu. On fera ça tout à l'heure. On aura également donc une petite annonce où on cherche un Père Noël pour le soir du 24. Oui. Évidemment, je vais me proposer d'y être. Merci, Monsieur Bordas, de m'avoir mis un compteur à Instagram. Voilà, vous êtes 650 254. Voilà, merci de nous rejoindre. On peut faire les 655 000 ce soir. On peut le faire. On peut le faire. Les 655 000 ce soir. Vous êtes 2 millions 7 à me suivre sur mon Twitter. Vous êtes 2 millions 915 000, 20 000 presque. Sur Facebook. 2 918 000. Ah, ça monte plus Facebook, ça y est. Ça y est, une phase et puis stabilisé. Si, ça va monter. Non, ça monte plus. Si, ça va monter. Non, ça monte plus. Quand tu dis ça va monter, c'est que ça monte plus. Ça monte plus, ça monte plus. C'est le principe des temps. Mais non, mais il y a des périodicités. Juste avant Noël, c'est quoi la périodicité? Il a dit périodicité. Sur les abonnements. Ouais, c'est que les vidéos, elles sont pourries, surtout celles qui sont. Ah non. Rien à voir, mais t'es sérieux. Ouais, je suis sérieux, ouais, regarde bien. Je suis très sérieux ce soir en plus, attention. Non, dis pas ça, déconne pas. Je suis en phase, très sérieux. Attendez, je regarde le score. Ah non, 2 917 676. Ouais, ça baisse. Ça n'a pas monté d'une semaine. Oui, mais ça va monter. Oui, mais ça va monter. Ça va monter. Mais c'est vrai en plus. Hein. Allez, ah non, de 2 918 000, j'ai rien dit. Tu vois, ça a remonté. Ah, j'ai rien dit, je retire. Allez, devine qui c'est, on appelle de la Janine. Le principe du devine qui c'est. Pourquoi pas Janine? Je ne sais pas pourquoi Janine, ne le prenez pas dans ce sens-là, madame. C'est surtout pourquoi pas Janine? Pourquoi une Janine serait exclue de nos jeux? Pourquoi on ne pourrait pas dire bonjour à Janine? C'est vrai. Et lui faire un joyeux Noël? Ah, évidemment, il faut qu'elle réponde. Bon, allez, on va en faire d'autres. Ah, non, allez. Ouais. Allô? C'est qui? C'est Janine? Hein? C'est Janine? Ah. Allô? C'est Janine? Ouais, oui. Oh, bah, disons. C'est Janine? Ouais. Bah, devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Je dis, devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Qui? Devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Patricia. Oui, c'est Patricia! Ça... Bon, ça va? Je savais, c'est toi. Bah oui, tu savais que c'est moi. Bah oui, ça va? Ça va? Bah oui, j'étais en train de fumer ma clope. Voilà, je me suis dit, je vais t'appeler pour te dire bonjour. Ouais, bonsoir. Bonsoir, oui, autant pour moi. Ça va? 27, bonsoir. Ça va, bah, je voulais te souhaiter un joyeux Noël quand même, hein. C'est bientôt Noël. Ouais, joyeux Noël, merci. Bah oui, qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Ouais, merci. D'accord, c'était une question. Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Bah, j'ai perdu, on pourra pas le faire. Le? J'ai perdu, on peut pas. On peut pas? Il n'y a pas. Non, on peut pas. En congé. Ah, ben oui. C'est en vacances. Père Noël est en congé. Ouais. Allez, d'accord. Ben voilà, ben je t'appelais. Hein? Tout va bien. Tu vas prendre aussi? Ben oui, ça va bien. Je voulais savoir si tu voulais manger c'est avec bien. Nous pour le soir de Noël. Hein? Tu veux manger avec nous le soir de Noël? Non. Ah bon, d'accord. tu peux pas venir, c'est trop bas pour toi, alors. Alors là, je pense que le téléphone... C'est trop loin pour toi? Oh non, c'est pas trop loin! À Paris, t'es? Bah si, je suis à Paris. Non, pas Paris, t'es à Saint-Front. Ah ouais, faut que t'arrêtes de parler. Par contre, faut pas rentrer le téléphone dans la bouche, hein. Janine, faut le sortir un peu, parce que là, il est dedans. Non, il n'appelle plus, c'est moi. Bah oui. Ah oui, c'est moi. C'est Patricia? Oui, c'est Patricia! T'es sûr? Bah oui, je suis sûr que je suis Patricia. T'as le droit de voir, hein? Hein? T'as mal à ta gorge. J'ai mal à ma gorge, j'ai une drôle de voix. Bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Bon, bah, je te fais un bisou. T'es trop loin pour moi, mais t'es trop loin. Eh oui, trop loin, Paris, trop loin. T'as vu qui t'es passé à Paris? Bah oui. T'as vu? Bah oui, je ne comprends plus la fin, là. Je te fais un bisou, joyeux Noël. Merci, ouais. Gros bisous. Ouais, merci. Tu boiras un coup à ma santé? Ouais. Bye. Ben moi aussi. Je crois que c'est déjà fait. Merci, c'est déjà fait. Je crois que oui, si on a commencé, oui. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'est incroyable. Belle voix de mec, c'est Patricia. Le mec, il appelle comme ça. Ah, mais c'est Patricia, je t'ai reconnu. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper. On est sur Energy. Tout à l'heure, il y aura Jérémy Frérot, il y aura David Guetta, il y aura du Big Flo et Oli. Et il y aura Rita Ora qui sera avec nous dans une demi-heure. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void. 20h, c'est Coé sur Énergie. Rita White avec nous tout à l'heure, toute l'équipe est là. Ce soir encore, j'espère que vous avez, on l'a dit, un bon anniversaire donc à M. Mbappé. Ouais, voilà. 20 ans. Bon anniversaire, il a 20 ans, c'est ouf quand même. Hein. 20 ans champion du monde déjà. Et ils vont sortir un escape game deux fois. Ouais, non, il a deuxième étape. Non, il l'a fait qu'une fois. Ouais. Ils vont sortir un escape game. Tout le monde a essayé un escape game. Escape game. Pas jamais, non. Jamais. J'ai jamais fait. Non. Toi, tu l'as déjà fait. Ah, j'en ai fait un, ouais. Ah, j'en ai fait un. C'est rigolo. C'est rigolo parce que ça dure une heure. Donc tu sais que ça dure pas trop longtemps, ça va. Une heure, c'est long. Non, c'est vite fait. Attends, déjà 10 minutes de laser game la dernière fois, ça m'a fatigué. Ah, mais tu comprends pas. C'est pas pareil. T'en as un, par exemple, je sais que t'en as un, c'est genre saut. Tu vois, t'es enfermé, t'es attaché aux menottes et tu dois trouver les clés. C'est pas mal. Non, l'angoisse. Ah ouais. C'est pas mal. Et bien là, ils font à Paris, dans le 11e arrondissement, un escape game pour adultes. C'est un spécialiste des escape games qui a lancé la version BDSM. Alors BDSM, ça doit pas être schisme, vas-y que je te fouette et tout. 50 nuances degrés, bien joué la musique, puisqu'ils ont dit qu'ils se sont inspirés de 50 nuances degrés. Alors rien de hard, je vous arrête tout de suite. L'idée c'est de donner envie de plus rester dans la pièce que de vouloir se sauver. D'accord. C'est drôle non? J'ai la clé pour sortir, bah sortez! Non, je vais rester encore. J'ai la clé de la menotte, je pourrais l'enlever, mais non, j'ai décidé de rester accroché au lit. J'avale la clé. Venez la chercher. Ça y est, viens la chercher. La clé. Non, c'est bon enfant. Enfin, non, pas bon enfant. Non. Non. Mais c'est bon esprit, voilà. C'est bon enfant. Et tu peux rigoler avec ton conjoint. C'est rigolo. Ah, pourquoi pas. Mais je sais pas si c'est qu'à deux ou à plusieurs. Parce qu'un escape game, tu peux pas le faire à deux. C'est à quatre ou cinq en théorie. Non, mais ça devient glauque. À plusieurs érotiques, c'est quand même bizarre, non? Bah, un escape partout game, je sais pas si ça existe. Je sais pas le dire. T'es au milieu d'un truc, ils sont tous tout nus, t'es habillé, tu dois t'en sortir. Et les gens ils sont là, j'ai caché la clé. Moi je dis, c'est un concept, vous trouvez ça ridicule, mais c'est un concept. Ouais, Stouff, il y aura quoi à gagner pour nos auditeurs ce soir? Google Home, puisqu'on est la première radio de France sur les enceintes connectées. Voilà. Bah oui. On pourrait dire, ok Google, mets-moi Coé. Voilà, et Google te mettra Coé. Et il te dit pas, dis-moi s'il te plaît, il te répond pas ça. Non, ça non. Ah, ce serait drôle. Faudrait qu'on l'essaie un jour ici, qu'on la mette. Bah ouais, ouais, bah on va le faire. Que je puisse voir cool, un peu ouais. Toutes les limites de la machine. On va tester Alexa. Le produit. On testera Alexa. Non, je vais en essayer une chez moi aussi. J'en ai une chez moi et je vais l'installer. Puis pareil, je vais essayer aussi. Tester à Google Home, je ferai Alexa. Ok, voilà. Très bien. On verra la différence. Je veux dire le plus de cochonneries. Et quand tu lui parles mal, elle te dit quoi? Je sais pas. T'as pas encore essayé ça? Ah bah non. Toi, t'as pas essayé ça? Non, pourquoi t'as peur qu'elle te réponde? Le Mico, il a une grande gueule, mais quand elle est installée chez lui, il fait non, j'ose pas. Non, attends. Bah, mets des lunettes de soleil, cache-toi. Ah non, elle a de la répartie et tout. Attends, elle est connectée au monde, à peu près pour l'an chinois. Bah ouais. Moi, je pourrais pas tenir. On a Mathéo qui a 9 ans, qui habite l'île d'Oléron. Comment ça va, Mathéo? Bonjour. Salut, mon grand. Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Ouais, ça va. Eh, t'es presque en vacances, Mathéo? C'est demain soir? Oui. T'es content? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Je vais aller chez mamie et après je vais descendre dans le sud. Oh, tu vas aller chez mamie, c'est ça? Oui. Oh, elle est gentille, mamie? Oui. Et dans le sud, tu vas aller où? Voir des voisins. Voir des voisins. Je veux voir des voisins. C'est étonnant, ça te descend. D'accord, tu vas. Et tes parents t'envoient chez des voisins? C'est ça? Non, on va voir des copains. Ah, des copains. D'accord, très bien. Bon, Mathéo, t'as bien travaillé à l'école? Oui. Est-ce que tu penses que le Père Noël va t'amener tout ce que tu veux? J'espère. Qu'est-ce que tu as demandé? Une trottinette électrique et c'est tout. Oh, c'est bien. C'est bien, il est raisonnable, oui, Mathéo. Il est raisonnable. Si jamais il gagne quoi? Une Google Home. Ah, c'est ça qu'il gagne? Mais oui. D'accord, comme ça il aura une Google Home. Il pourra dire par exemple, si tu gagnes, tu pourras la mettre dans ta chambre. Et tu diras Google, mets-moi Coé. Et bim, tu nous entendras dans l'enceinte connectée. Ça a l'air de te faire plaisir. Attention, il est ravi. Voici quatre questions, Mathéo, tu te concentres. C'est pour ses parents le cadeau, hein. Bah oui. Ah, c'est pas pour lui, c'est vrai que c'est pour les parents. Oui, c'est vrai. Ah bon, autant pour moi, c'est pas pour toi. Voici. Il est horrible. Je prends les cadeaux, je les reprends, aucun problème. Mathéo, voici la première question, mon grand. Tu préfères quand c'est papa ou maman qui cuisine? Je rappelle qu'on a posé la question aux parents avant. Maman. C'est la bonne réponse. Maman avait dit également maman. Maman, parce que papa, il fait jamais la cuisine. Ah, évidemment. Ah, non. Mais tu sais, les papas qui sont en couple, souvent, ne font jamais la cuisine. Ils doivent bien l'apprendre après. Ils ont pas le choix. Oui, Stouff. Et qu'est-ce qu'elle fait bon, maman? De l'huile. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle fait des pâtes. Ah bah, se fait pas chier, maman. Hein. Elle dit qu'elle cuisine, des pâtes. Bravo, maman. Je sais que t'es derrière, je t'entends. Elle est morte de rire. C'est pas très bien. Mais bon. Deuxième question. C'est quoi le gros mot que tes parents disent le plus souvent? Alors, maman, putain. Et papa, ça va faire mal aux oreilles. Ah, c'est trop mignon d'avoir la bulle à l'enfant. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Très bien, je valide. Voilà. C'est trop chou. Troisième question. Est-ce que tu sais comment on fait les bébés? T'attends quoi? Clac-clac. Clac-clac. Il entend clac-clac la nuit. T'entends clac-clac la nuit? C'est quoi, ok, clac, on accepte la réponse. On accepte le clac-clac la nuit. Je valide. Voilà, il n'a pas besoin à cet âge-là d'en savoir plus. Clac-clac la nuit, c'est largement suffisant. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les bébés. Voilà. Clac-clac. Voilà, très bien. Je valide. Clac-clac la nuit. Dis-toi, Mathéo, que c'est que ça. Il n'y a pas à savoir plus. Non. C'est clac-clac la nuit, c'est tout. Enfin, des fois, c'est clac-clac-clac. Des fois, c'est crac-crac le jour. Mais ça change un peu. Ça change, mais pas de grand-chose. Voici la dernière question. D'une lettre. Écoute bien. Cette dernière question est terrible. Si tu devais garder un seul de tes parents. Oh non, Non, ah, mais c'est papa qui a l'argent. Pourquoi papa? Parce qu'il a l'argent. Oui, mais maman, elle a les pattes. Ouais. Papa, il a PS4. Ah, et c'est compliqué. Mais de toute façon, t'as pas de soucis avec tout ça. C'était pour t'embêter. Oui. Mathéo, je t'offre. Et je t'offre à tes parents. J'offre à tes parents la Google Home. Bravo. Un gros bisou, Mathéo. Je te souhaite un très beau Noël. Profite bien. Sois sage, mange du chocolat, fais-toi plaisir. Tes parents, ils vont dire non, mange pas trop, mais fais-toi plaisir. Lâche-toi. Mange du chocolat et si t'as mal au bide, bah, t'auras mal au bide une soirée, c'est pas très grave. Bah, d'accord, fais-toi plaisir, Mathéo, mais ne finis pas les verres d'alcool. Oui, je vais aimer à tous. D'accord, et n'oublie, pas, et n'oublie pas, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. T'as 9 ans, mais vaut mieux que tu le saches maintenant. Voilà, comme ça dans quelques années. Joyeux Noël, Mathéo, à bientôt, mon grand. Je t'embrasse. Bisous. Quand je perds le nord. Quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Oh, oh, il peut tout arriver. Oh, oh, oh. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Toi, tu donnes tellement, rien qu'en vivant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. 17h-20h, C'est Coé sur Énergie. Petite annonce où on cherche un Père Noël. 75 euros pour avoir un Père Noël. J'appelle, je me propose, mais je suis un Père Noël belge désormais. Il n'y a pas de raison. Mais non, pas, mais pas de raison, bien sûr, de ce qu'on appelle, on n'a pas dit. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour madame, c'est Gérard Vandenbrück à l'appareil. Je vous appelle pour la petite annonce du Père Noël. Oui. Voilà madame, ne cherchez plus, il vous parle en ce moment madame. Oui. Voilà, parce que nous sommes Père Noël, de grand-père en petit-fils, 5 générations, moi-même depuis 91, c'est vous dire si je maîtrise. Voilà, donc, ah oui, quand même. Ah oui, j'ai vu que vous cherchiez quelque chose, c'est dans le 59, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, c'est formidable, fantastique, pas loin de la maison. Alors, pour l'organisation, c'est très simple, vous savez, moi, vous me rejoignez au coin de votre rue, vous me donnez les cadeaux, j'arrive dans votre habitat avec mon pelide, je sors dans la porte, et là, oh, surprise, stupéfaction des enfants, rire, joie dans les yeux, le Père Noël. Et donc, à ce moment-là, séance photo, bisous, vous me laissez une panne de bière, je prends mon argent, je file vers les étoiles. Est-ce que ça vous convient, madame? Non, pourquoi pas vraiment, non. Pourquoi ça ne vous convient pas, où est le... Bah, je sais pas, vous me semblez un peu étrange, non? Vous êtes sûr que... Écoutez, madame, c'est pas... Non, madame, je vous dis un truc. C'est pas parce que j'ai un très léger accent qui me vient d'avoir mon grand-père de Lille. Non, mais ça, c'est pas un souci. Si, j'ai l'impression, madame, c'est un souci. Ça ne me dérange pas. Quel est le problème? J'arrive avec beaucoup de sympathie, je me propose d'être là, je suis plein d'élan, j'ai l'impression que ça ne revient pas dans l'autre sens. Non, si, il n'y a pas de souci. Bon, alors voilà, s'il n'y a pas de souci. Et donc, pour le tarif? Alors, le tarif, je suis d'accord, pas de problème, ça me va, 75 euros, pas de souci. D'accord. Un petit problème, j'en ai un par contre. Je ne saurais pas être là les 23, 24, 25 et 26 décembre. Je suis libre à partir du 27. Bah non, c'est pas possible. Ah, j'ai les enfants, hein. Moi, c'est important, Noël, que je reste à côté d'eux. Hein. Pas aller commencer et jouer le Père Noël ailleurs et pas être à la maison. Hein. Vie de famille, c'est important. Hein. Oui, mais bon, ça va pas. Bah oui, mais oui, vous êtes là, vous voulez le Père Noël, et puis moi, il faudrait que je parte de la maison. Oui. Ben non, t'es ouf, je fais pas ça, moi. Bah, vous êtes pas allé faire un effort, t'as qu'à décaler 2 jours, c'est pas non plus. Ah non, il y aura plus la magie. Bah, enfin, il y aura plus la magie, tu veux le 25, je te fais le 27, c'est 2 jours, on y est presque. Ah, mais bah tiens, tu marmonnes, t'as plus de réseau, tu youyoutes et tu chipotes. Allez, pas 2 jours près. Bah, on n'est pas 2 jours près du tout, hein. Ah, si. Mais encore décalé Noël, les gamins ça voit rien, tu planques les dates, t'allumes pas la télé. De toute façon, pendant 4 jours, il y aura les mêmes trucs, il y aura les bêtisiers de Noël, ils y verront rien. Oui. C'est les mêmes téléfilms. Non, mais c'est gentil, mais ça va plus faire. Et pourquoi? Parce que ça ne convient pas. Bah, je te propose pas le 14 juillet non plus, je te propose le 27. Hein? Non. Tu veux pas? Putain, mais fais un effort, mon dieu de pipe, là. C'est gentil, mais non. Bon, là, d'accord, on se dit 27 décembre, chez vous, à quelle heure? Non. Vers quelle heure? 18h30, 19h, avant que les tchours soient couchés, vers quelle heure on dit? Non, le 25. Allez, avec une petite pinte, le 27, à 18h, je serai là, d'accord? Le 25, ce que vous voulez, mais pas le 25. Avant le 27, ce que je veux. Eh bien, c'est noté, c'est ce qu'on se dit, on parle le même langage, toi et moi. Non, se répond du tac au tac, on est synchro comme tout. 27. Vers 18h, je serai là, je pourrais accepter 18h30, pas trop tard, faut que je rentre les gamins à la maison. Non, de toute façon, vous n'avez pas mon adresse, donc vous pouvez venir le 27. Ah, je vais trouver ton adresse, je vais la trouver dans la mur, j'ai le téléphone, j'ai des trucs inversés. Je serai là, donc 18h30, 19h, tu me prépares une bière, l'argent, et j'arrive. Comment? Non, je suis pas chez moi le 27. Quoi? Je suis pas chez moi le 27, bon, c'est pas la peine. Bon, je serai chez toi, allez, je débarque le 27, d'accord? Allez, je te fais adieu, mec, je t'embrasse, à bientôt, tu seras là. Hein. Une petite bière, j'aime bien la bière brune, hein. J'aime bien quand ça tape. Pas du truc, pas de la lavette, hein, pas de la bière américaine. Et je prends que du cash. Ok? On sort le 27? Je crois qu'elle a accroché. Accroché? Elle est toujours là, je crois. Ouais, elle prévient la police d'une autre main, je sais pas ce qu'elle fait. Rita Ora dans quelques minutes avec nous sur Energy, restez là tout de suite. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Energy. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question glandue, non? Non. J'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais? Ah ouais. Dis donc. Après, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Ouais. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie.

local le plus chaud de ta région, envoie gros paquet au 6-12-12. Bon, excusez-moi, je me suis trompé de jingle. 17h-20h. Ah, c'est Coé sur Énergie. Dans quelques minutes, Rita Ora sera notre invitée. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle n'est pas très loin. Si vous ne la connaissez pas, eh bien vous allez découvrir cette demoiselle. Si vous la connaissez, vous allez kiffer ce moment. On sera en Facebook Live. Elle est où ma fiche promo de Rita Ora, les amis? Avec tous les renseignements dessus que je n'ai pas. Le Facebook Live, est-ce qu'il va marcher, monsieur Bordas? Normalement, oui. Oui, ça va marcher. On est sur Mathieu. Normalement. Mais Mathieu, je le vois avec les yeux de la confiance, là. Là, tout va bien. Bon, en attendant, je vous lis quelques messages. On a, c'est important. Demain, c'est déjà la dernière émission de l'année. Ouais. Ce week-end, One Man à Lille. Si vous habitez Lille, bon, c'est complet de chez complet. C'est full de chez full, mais on sera quand même à Lille. On y reviendra en 2020. Ensuite, le One Man s'installe à Paris à partir du 14 janvier. Venez me voir à la Comédie de Paris. Et on va tout kiffer ensemble. Et l'équipe, vous serez invité à la première. Voilà. Ah, ça, c'est cool. La moindre des choses. La deuxième, laissez-moi me chauffer à la deuxième. Ah non, c'est bien okay. La première. Non, la deuxième. Non, allez, non, la troisième. Et n'insiste pas, sinon ce sera jamais Bordas pour toi. Là, tu perds à ta place, Bordas. Très pénible, ça. Nous parlerons donc du deuxième album de Rita Ora. Je vous lis des messages. Je vais commencer par le Haters. Ok, comme d'accord. Ça, ce sera d'accord. Fait. D'accord. Alors, on va même pas donner son nom, il ne le mérite pas. Il est vénère ou pas? Oh oui, oui. Non, mais ça, il n'est même pas vénère pour une raison. Je crois que. C'est gratuit. C'est gratuit. Coé, t'es fier de toi? Et ton équipe de ramasse-merde, c'est vous, hein? Ah, c'est gentil. Non. Et ton équipe de ramasse-merde d'avoir fait autant de mal. Mais regarde bien dans ton dos, un jour, tu vas tout ramasser dans la gueule de Triso. Voilà. C'est bien, c'est structuré. Regarde bien dans ton dos, tu vas ramasser dans ta gueule de Triso. Non, c'est pas possible parce que je suis dans mon dos. Je peux pas. Ah bah oui, regarder. Physiquement, derrière. C'est pas possible. C'est compliqué, c'est impossible. Voilà, je suis. Oh là là, pauvre garçon. Tu sais quoi? Ils me font de la peine, ces gens. Bon, ils sont seuls. Ah oui, ça il me fait. Tu sais quoi, je t'embrasse, ami mystérieux. On te souhaite un joyeux Noël. De Soledad. Salut Coé, j'ai vu la VOD de l'émission avec Cobb Johnson, Gilet Jaunet, et franchement, j'ai bien rigolé. Tellement la musique est ridicule. Mais je peux te conseiller d'inviter le rappeur Dace. Je connais pas. A fait un son Gilet Jaune nettement mieux. Oui, alors on va peut-être pas faire. On va peut-être pas faire toute la compile des Gilets Jaunes, mais on me dit qu'on a le son. Oui, hein, je l'ai. Tu l'as? Vas-y, ouais. Vas-y. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Pas qu'on lui en parle à Rita Ora, c'est peut-être pas ce que c'est que le gilet jaune. La nouvelle French Touch. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, c'est bien. Vachement bien. C'est pro, mais ça c'est. Ça fait plus pro, ouais. Mais c'est un peu moins marrant non, que. Ouais. Que festif. Gilet jaune. Ah, ben oui, moi j'aime bien. Julien dit: salut Coé, pouvez-vous parler du harcèlement scolaire? Mon neveu s'est fait harceler. Et les mises en faute, et on a juste reçu un avertissement. Mon neveu ne veut plus aller en cours, et c'est la victime qui trinque et non les fautifs. Ça arrive c'est souvent beaucoup, le cas, ouais. Parce que ouais. Les écoles veulent pas créer de problème, donc elles font genre allez, serrez-vous la main, et en fait les autres se vengent derrière. Elles ferment les yeux. En fait. Donc ça arrive, mais elle est pas Rita Ora avec une autre chanteuse, si. Les fans là. Pour la mobilisation contre le harcèlement. Avec Cara Delevingne. C'est ça, hein? Oui. Je me suis pas trompé. C'est une chanteuse, c'est une mannequin. Oui, c'est d'accord, mais je veux dire, elle est sensibilisée par la cause. Oui, c'est beaucoup. Ça. Public, oui, non, ok. Oui, c'est ça, merci le beaucoup. Harcèlement sur les réseaux. C'est bien ce que je pensais, on en parlera tout à l'heure parce que c'est important. Message de Cédric qui envoie un message à Cyril Hanouna sur Twitter qui dit: Cyril Hanouna, pourquoi pas Coé, animateur de Strike, un mélange de la méthode Coé et de Strike. Alors, Cédric, je te demanderai de garder tes idées de merde pour toi. Sache que j'ai eu moi-même des idées de merde seul. Je les ai gardées, je te demanderai de ne pas en rajouter, d'accord? Parce qu'il est hors de question que je lance des boules de bowling à la télévision. Il donc, n'aime pas le bowling. Donc je n'aime pas le bowling, ça me saoule. Donc non, garde tes idées pourries. Cordialement. N'emmerde pas Cyril avec ça. Voilà. Message de David: pour le mix extravagant, est-ce que tu pourrais faire un passage avec des sons old school, genre Paquito, Benny Benassi, Eric Pritz? Non. Pas celui-là. Parce que j'ai axé beaucoup de trucs de nouveautés et des remixes, mais si ça marche, j'en ferai un prochain où on se fera un spécial vintage peut-être. Ah ouais, okay. Avec des avec des trucs plus anciens. Il y en a un qui dit: je te fais un chin-chin pour mes 50 ans. Oh là là, le bon anniversaire pourri, elle est toute seule avec une bougie face à un verre. Oh, il s'appelle Jean-Noël. Jean-Noël, viens nous voir la prochaine fois, fais pas ton anniversaire tout seul. Message de Maïmouna. Salut Coé, bonsoir Stou, bonsoir Bichette, bonsoir Miko, bonsoir Jeff, bonsoir le petit simplet tout mignon Bordas. Merci. Je voudrais réagir sur ton intervention concernant les derniers événements terribles qui se sont passés à Strasbourg. Ça fait très plaisir d'entendre quelqu'un de sensé, ayant des propos intelligents et intelligibles, car beaucoup de journalistes disent un peu tout et n'importe quoi et orientent souvent leurs réflexions. Alors merci de dire les choses intelligentes, pas tout le temps. Continuez tous à être drôles, un peu foufou, on se marre bien, gros bisous à tous. Voilà Maïmouna, bon, on t'embrasse fort. Bisous, aussi. Maïmouna. Un message de Patrick Pierry qui me dit: voilà mon banane.

France. Bienvenue en France. Oh, c'est... Ah, ça part d'une bonne intention, mais c'est pas bien. Bienvenue en France. Tried. Darn it. Bienvenue en France. Oui, ouais, c'est pire que tout. Elle a vendu des mots sur le bon coin, mais c'est bien quand même. Rita O'Wright avec nous, je suis très content. I'm very happy to see you. Really. Thank you, it's so nice to see you again. You haven't changed one bit. T'as pas changé du tout, tu vois, lui. Je suis toujours fantastique. Still fantastic. Yeah, you see the beautiful guy? Fantastico. You see the beautiful guy? Do you see his body? I can't hear you. Wait, hold on a second. There we go. Yes. I am the body of the year in France. Oh! Mais si vous n'aviez pas rigolé, elle pouvait y croire. Ça serait passé. That if we didn't laugh, you would have believed it. But no, I believe non. it. Si, elle te croit. C'est horrible. J'essaie de faire un truc qui aurait pu passer. Elle vit pas en France. Elle aurait pu dire, oh, ils ont des problèmes. Yeah, you don't live here. So yeah, so I only know what you tell me. Non, mais en fait, elle croit tout ce que tu lui dis. Okay, je la refais là. Okay, he's gonna do it again. You know what? What? I'm. Oh. You have to do it with a straight face. In France? Yeah. I'm body of the year. Oh, really? Yes, really, really. Wow, fantastic. Yes, fantastic. 10 million électeurs, je sais pas comment on dit là. 10 million followers. Non, 10 millions de gens ont voté. Voted for him. Oh, wow. Mr. France. Wow, Mr. France. Ah, oui. Mr. Universe. Yes, Mr. France of Universe. Oh, wow. Can I say that you do look like Mr. Universe? Well, franchement, elle trouve que tu ressembles à Monsieur Univers. Je préfère à Monsieur Univers que Monsieur Propre. You know, you know Mr. Clean? He prefers Mr. Universe to Mr. Clean. Vas-y, croise les bras, Maybe my song was written for you. En fait, sa chanson a été écrite pour toi. Ah, pourquoi? Alors pourquoi? Why? Tell us why. I don't know. I have no answer. Okay. Bon, Rita Ora est notre invitée. Elle sera au Bataclan en France. Ça veut dire que si vous êtes fan de Rita Ora, il faut aller venir la voir absolument. Elle y sera le 2 mai 2019. Vous notez tous, les fans, 2 mai. Ah, t'as déjà pris ta place, toi, t'es tout foufou. Concert in May. In 2 mai yes, 2019. Yes, in May. Please come and see me. You guys want to come and see me? Yeah! Et là, il va falloir s'entraîner pour le français. Hein. Il va falloir You're going to have to practice the French. Oui, oh, I know, I will practice it. Elle va s'entraîner, promis. Le bonsoir Paris va être obligatoire. Le bonsoir Paris. C'est bon, ça. I just love the French. It's so nice. The accent is so, so sexy. I love it so much. Elle trouve que c'est très sexy. Yes, c'est pas faux. Yes, it's really sexy. French. C'est reparti. Really, really. Bon, do you love French food? Yes, of course. I like the cheese. I like the... The croissants. I like the chocolate croissants. My favorite. Yes, anything to do with chocolat. Tout ce qu'il y a chocolat, en fait, hein, elle aime. And I like... yeah, that's it. Voilà, c'est tout. Alors, Rita, on va commencer dans 7, 8 minutes, 10 minutes. Elle va chanter son titre en live sur Energy. Yes, dans 10 we're going to hear you sing in a few minutes. Yay! Et en live avec les choristes, il y a le monsieur qui a avec une guitare. Oh, the hell guitar, yeah! Everything. D'ici là, j'espère que le Facebook Live sera réparé. Je fais une prière là-haut, Jean-Paul, il te reste 10 minutes Hopefully pour payer we'll la facture. Be on Facebook Live by then, it'll work. Voilà, et je voudrais juste, on a plein de gens qui veulent lui dire un petit bonjour aussi. Lots of questions from listeners. Oh, yay! Mais avant tout, je veux te donner des forces, je veux te faire plaisir, puisque tu aimes la mode. Since you like fashion. I do. Ouais, tout à l'heure, je te ferai des cadeaux. He's going to give you some gifts a little bit later. Oh, that's some tips or some gifts? No, gifts. Gift, okay. No tips, no gifts. No, cadeau. Yeah, thanks. Et bien maintenant, puisque tu aimais la nourriture française. Yeah, since you like French food. Yes. Le jeu va être simple. Okay. Si tu prononces bien le mot français, en même temps, ça t'aide pour le Bataclan. Yeah, and it's going to help you for your show in May. Okay. Si tu prononces bien le mot français, je te donne le truc à manger. Okay, if you pronounce the word right in French, it's going to be food. He'll give it to you to eat. Mais elle n'est pas obligée de le manger tout de suite. Belle. You don't have to eat it right now. Si tu le prononces mal, okay. Don't pronounce it right. C'est Jeff qui mange. Jeff yes. is going to have to eat it. Parce que j'ai faim. Because he's hungry. He's always hungry. Okay. Nous jouons pour le. Alors attention, the French word est croissant. Attention, now Rita Ora. Croissant. J'ai entendu coincant. Non, j'ai entendu cochon. Non, repeat after me. Croissant. Croissant. Ok, oui. Le croissant. Le croissant pour Rita Ora. Yes, because I'm hungry. Voilà, la fin, ça tombe bien. On enchaîne. Oh, nice with my tea. On enchaîne. Avec son thé en plus. Le pain. Le pain. Excellent. Et c'est très bien. Bravo. Very good. Bravo. T'as pris de bouffer. Pour l'instant, c'est un sans doute. Ça, typical French. Thank you. I'm just collecting food. Voilà, elle collectionne la bouffe. Typical French, la chouquette. La chouquette. Oh, nickel. Mais dis donc, elle veut remplir son placard. Oh, is this, how long has this been here? Ça fait combien de temps que c'est là? Two years. Le pain, don't eat the bread. It's a show. Yum. Now, une noix de coco. Oh. Si tu prononces bien, okay. Tu l'as. Si tu prononces mal, c'est Jeff. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. Je vais dire. I'm a very competitive person, you see. Ouais. Ah oui. Ouais, elle est très compétitive, attention. Elle n'aime pas faire. Like, I really want to win all the time. Okay, now you might want to lose. Okay. For what's coming. Crevette. Cano. What? I can say it, but I don't want to eat it. Covid rose. Ah, c'est bon. It's very beautiful. It's cute. Yes, it's cute. Yeah. I don't know if you can say the S word on radio. You can say anything here. You're gonna get the shits, my friend. Tu vas avoir les chiasses, mon poteau, elle a dit. Tu vas t'en mettre partout. On est passé de poupouse à tu vas avoir la chiasse, mon poteau. Tu veux un peu de croissant avec ta crevette? Oh yes, please. Attention. Elle t'a feinté. Rita. Okay, another one. The last word. Uh-huh. Si tu prononces bien, tu l'as. Si tu prononces mal, c'est Jeff qui le mange. Okay, either you or Jeff. Live. Okay, you pronounce it right or wrong. Escargot de Bourgogne. Escargot de Bourgogne, c'est easy. Huh? C'est easy. Say it again. Escargot de Bourgogne. Escarbon de Bourgogne. Ah bah voilà, la maladie. Elle said it wrong. Hey. The snail is for Jeff. C'est pour papa. C'est pour papa. I like snails, but I like snails with garlic. Ouais, avec de l'ail, bah oui, par avec contre. De l'ail, y a pas d'ail. Allez, Jeff. Allez, à des escargots pour papa. Je mange pas ça, hein. Il n'y a pas d'ail, c'est dégueulasse. Mais je veux manger parce qu'il n'y a pas de garlic. Il a été chopé dans le jardin ce matin. Pourquoi? Il est où le bonhomme d'1m90? Mais j'ai jamais aimé ça. Je mange pas. Mange pas. Mais enfin, mais t'es sérieux? Mais vous êtes sérieux? Mais c'est que dalle. Et là, il se dit qu'il aurait pas dû. Tu vas avoir Coco, tu vas avoir le poupouze. You're gonna get the poupouze. La tête que tu fais là. Je crois que ça passe mal. Ouais. Reste avec nous. On va revenir, on va revenir. We'll be right back. Oh, I love this show. We'll be right back. Elle adore cette émission. Rita Ora. Non. C'est ton père de bon cœur. Il va mourir. C'est ton père de bon cœur, Pierre. Rita Ora est notre invitée. Can I have a small croissant, please? Oh, yeah. Thank you. Stu, do you wonder? Dans un instant, Rita Ora est de retour. Je vais faire des barbes à papa, ça va me détendre. A tout de suite. Voilà. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Le moment du dessert. La bûche chocolat vanille et son croustillant praliné. La version pâtissière et sa mousse au café. Ou le sorbet coco citron vert sous sa meringue légère. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par notre collection de 23 bûches glacées et pâtissières en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Plus que quelques jours pour trouver vos cadeaux de Noël. Alors comme par magie, la Halle vous simplifie la vie et vous offre 6 jours vraiment magiques. Jusqu'au 24 décembre, même le dimanche, à la Halle, votre deuxième article est à moins 50% sur tous les vêtements et chaussures. Vite, moins 50%, c'est vraiment magique. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions au magasin et sur lahalle.com. On dit qu'à Noël, des rennes magiques voleraient dans le ciel tout en laissant des traînées de poussière d'étoiles. Oui, on le dit. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin.

aujourd'hui. Rita Ora s'installe chez Koei sur Énergie. Coco est en train de faire des baba papa. Eh oui. Il s'amuse. Les amis, je crois que nous avons galéré pendant des minutes tout le c'est temps quoi, de la pub. Ça, elle ça, est ça, dégueulasse. Ça, c'est quoi, quoi ça, c'est la pire barbe à papa que j'ai fait de ma vie. Ça. Tu vois, et ben ça, c'est. On dirait la première crêpe. It's a love barbe à papa. Non, elle a pas. What? Is it very good? Oh, it's good. It's sugary. Ouais, c'est, oui. Ouais, c'est que du sucré. C'est le principe, hein. C'est du sugary. It is sugary, yeah. Sugary. Are you ready to sing? I don't know. Should I sing now? Oh yes, you mm-hmm. sing. You sing when you want. You ready now? No, it's this one. Yes. Okay. To sing is this one. To yes, talk is yes. this one. I'm ready to sing, and then afterwards I'm gonna eat pa pa pa. Bar pa pa pa pa. Elle va la manger après, hein, bien sûr. Pa pa pa pa. Bar pa pa pa. Bar pa pa pa. Yes. Voilà. Ok, let's go. Ok, let's go. Je vais vendre ça sur le marché, 1,50€ si quelqu'un en veut. Voici Rita Ora qui est avec nous. Faites beaucoup de bruit en live sur Énergie. Instead of going down to find trouble, that's just trouble, yeah. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you know. Every time it gets too real, and every time I feel a sabotage, I start running, yeah. Ooh. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. Oh, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. Lay with you through the sunrise. Show you that you're my only. And RJ, come on. Till the sun's up. I wanna stay with you till the morning. Lay with you through the sunrise. Through the sunrise. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Faut que je lui amène un truc. J'ai pris un truc sur la table. Ah. Congratulations. Merry Christmas. Merci. And congratulations. Oh, bravo. J'ai pris le sapin. Good, thank you so much. Oh, no, no, you're amazing. Thank you're amazing. You. Comme thank you. J'ai pris le sapin de ma table. Mais, that, yes. Et merci à ces demoiselles qui sont incroyables, qui étaient en live. Thank you. Yes, the backup singers are great. What's your name? What's your name? Reese. Say? Reese. That's Reese. Okay. Yes. No, it's not Reese. It's Reese. Reese. And Vicky. And Vicky. Reese and Vicky are the best. Make some noise for Reese and Vicky. Elles étaient en live, c'était très très bien. Et lui, on s'en fout? You have to ask. Yeah, he said we don't care about he's him. He's got his own voice. Oh, no, no, we do care about him. Non, sorry. Non, on s'en fout pas du I tout. I thought you asked his name, sorry. Comment il s'appelle, lui? What's his name? Luca. Luca, voilà. You are great, you Luca. Thanks very much. Luca, Luca's really. Luca's really. On était en live, c'était très, très bien. Rita Ora qui est avec nous encore pour quoi? Elle s'en va dans 15 minutes. Oui. Ouais. 15 minutes parce qu'elle a un train, je crois. Oui. On m'a dit Eurostar. Yeah, you have to catch a train tonight, yes, right? Past minute and then Eurostar. Voilà, c'est ça. Mm, voilà. You go to London. To London. Elle va à Londres. Mais j'adore Rita Ora. Elle est très très drôle. Elle est très thank très cool. Thank you for my Christmas tree. Oui, merci pour son petit arbre de non, Noël. Non, en fait, c'est pas réellement un cadeau. I don't really know what it is, but it's not really a gift. You have to give it back. C'est juste part of the decor, you know. Is it gonna explode? Ça va exploser? Il y a un non, truc. C'est parce que c'est juste le mien. No, it's just because it's his, but he wants it back. Okay, okay, okay. Bon, elle a compris. Okay. Comment va la vie? Est-ce que tu es heureuse? How is life? Are you happy? Oh, thank you. Life is really good. I'm really happy because my album finally came out after 6 years. Ça fait 6 ans. Son album est enfin sorti. Donc le 23 novembre, il est sorti. Yes, thank you. Phoenix. Elle fêtera tout ça en France, notamment au Bataclan le 2 mai. Non, mais c'est vrai, on demande jamais aux artistes, surtout Rita Ora, qui doit se balader, qui a travaillé avec les plus grands. On a du Ed Sheeran, on a du Avicii, du Iggy Azalea, et Diplo, il y a du beaucoup de monde. Et on ne demande jamais aux artistes finalement s'ils sont heureux parce que c'est bien la promo, yeah, le disque, right, la scène, mais you work with lots of big names, mm-hmm, so it's true. We never ask the artists, you know, if they're happy, if they're doing good. It's true. It's a lot of work, a lot of promotion. Yeah, sometimes a simple how are you is really all we want, voilà, in life. C'est parfois juste comment ça va, c'est ça leur suffit. Comment ça va? Ça va bien, et toi? What? Quoi? I answer, I say oui, ça va bien, oui. Et toi? Oui. Oui, je vais bien. Oh oui, je vais bien. Et voilà, et voilà. Voilà. I feel like if I stayed here long enough, I'd really be good at the accent. Ouais, je pense que si elle restait un peu avec toi, alors l'accent, elle le maîtriserait. Hein. Ah, sure, sure. Yeah, right? Sure. Bien sûr, non problème. Yeah, but the road's been crazy. I'm really happy that I got to come here just before Christmas. Ouais, elle est ravie d'être là juste avant Noël. Et ben, ça nous fait très plaisir à nous aussi. Dans un instant, tu ne repartiras pas à Londres les mains vides puisque tu repartiras avec peut-être des cadeaux de haute couture. Ah, yes, and you're going to go back to London maybe with some haute couture gifts. Oh, yes! Ouais, mais d'abord, nous allons faire un truc ensemble, ça s'appelle le follow-on-follow. Ah, on little game. Sur Instagram. Follow on, follow on, oh, Instagram. Le principe est simple. Okay. Je vais te poser une question sur moi. He's going to ask you a question about himself. Okay. Si tu réponds bien, je te follow sur Instagram. If you get the right answer, he follows you on Instagram. You don't follow me on Instagram. Quoi, tu la suis pas là? Yes, but I will follow you after. Okay. And then I follow you. Voilà, et en gros. Mais et ensuite, ouais, tu me poseras une question sur toi. And then you're going to ask him a question about yourself. Okay. J'aurai 30 secondes pour trouver la réponse. He's going to have 30 seconds to find the answer. Et si j'ai bon, tu me suis. All right. And if he gets okay, it right, you and follow I can him. Ask you anything. Yes. Anything. Okay. Ok. Comment s'écrit mon nom? How do you spell his name? Oh, c'est facile. C-O-U-E-T. Oh, c'est O-E-T. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que tu connais son nom? Yes. That's not the question, but I'm asking so you can follow non, me. Non, c'est pas la question, mais elle te demande. Est-ce que tu connais son nom? You can spell my name on. Tu sais écrire son nom? Yes. Okay. Okay. Are you gonna follow me now? Tu la suis là? Je vais. Elle m'engueule pas. Putain, elle me fait okay flipper. You're scaring dis-lui him. Dis-lui qu'elle me fait flipper. You're a little freaky. Elle va te balancer ton sapin là. No, I'm joking. You don't non, have rigole, to. Elle rigole. T'es pas obligée, hein? Rita Ora. Okay. You. He just followed me. Yeah. Now I have to follow you. Maintenant, faut qu'elle te suive. Yes. Bah non. Bah elle non me pose une question. First, you have to ask him a question okay about yourself, and if he gets it right, you follow him. Okay. Ready? Yes. Where was I originally born? Où est-ce qu'elle est née? Ça, je le sais. He knows. Pristina. Wow! Yes! Wow. Yeah! Body of the year! Dans un instant, des cadeaux peut-être pour Rita Ora. Reste avec nous. Qu'est-ce qu'on est Plus de KPO. Voilà. This is my phone, really. It's, I'm not on téléphone. Not lying. I'm Koe officiel. Tu vas lui montrer, Elsa. So it's C-O-U-T-A. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et j'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Rita Ora est notre invitée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre une photo en live, mais en live de chez live. Ok, he's gonna post a picture sur Instagram. Live. Ok. On va la basculer en live. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'ai entendu? Rien. Ça, c'est rien. Boubou. Il y a des gens qui meurent. Laissez-la. Il y a des gens qui. Quoi? C'est Boubou qui a pris de la barbe à papa. De façon très discrète. Elle prend une barbe à papa, il y a la machine qui explose. Elle a pété la machine. C'est vrai? Bon, bah, c'est pas grave. It's ça va failed. Ouais, c'est fail. Ça n'a pas marché, visiblement. Epic fail. Bon, en attendant, elle est très belle cette photo. On valide celle-là? This one? Yes, I like her, really nice. Ok, très bien. Je mets celle-là. Tu la tagues, hein? Faut que tu la tagues. You want me to do it? Tu veux qu'elle le fasse, peut-être? Ça ira plus vite. Il faut qu'elle le fasse pour toi. Oh, I can, and then I can do anything I want on your Instagram. Allez, c'est marrant. Si, finis ton téléphone, marrant, comme ça elle fait ce qu'elle veut. Ah si. Allez. Vous savez la légende qu'elle veut. Ouais, mais je viens à Should côté. I come up? I don't know how to write in French, but ouais, elle sait pas écrire en français. C'est pas grave. Je vais choisir le filtre déjà. Ooh, we look good. Ouais, vous êtes pas mal, hein? Yes, high five. Ok, cool. Oui. Ok, attends, j'enlève le sapin. Mr. Universe. Non, mais c'était une connerie. Ok, c'est. So, on va lui dire, c'est une blague. Coolest, or I mean, you can write this in French after. The coolest. Yes, oui, tu peux le traduire en français. Si tu veux, je corrige après. The coolest person ever. Il écrit le cool et Pedron. Ah non, c'est comme ça. Comme ça, c'est elle voulait écrire la personne la plus cool je mets, du monde. Je mets t'es cool et Pedron ever. Laisse, yeah. Laisse. Bye. Rita Ora, tu mets. That's how he writes. Non, non, je vais mettre le the coolest. Non, je mets the coolest. Voilà. Je traduis. The coolest person he's ever met. Ah, et elle veut que tu dises que elle c'est la personne la plus cool que t'aies jamais rencontrée. Because I'm pretending like you're writing it. C'est l'inverse, bah oui, elle fait semblant que c'est toi qui écris. Oui, en mais fait. C'est ce que je fais. The coolest person. Qu'est-ce que je m'apprête? I've ever in met. In the world. The coolest person in the world. I ever. Il m'a mis beer. I ever met. M-E-T. Voilà. Voilà. Hein? Yeah. Okay. Et tu la tag. And smiley. Merci. Smiley. Love, love. Art, art. Yes, merci. Art, aura. Aura. Ok. Okidoki. Merci. Ah ouais. Ok. Allez, bye. Non, mais moi, elle me fait flipper, hein. Mais pas la courgette en. Yeah. En emoji. Ah non, là, ouais. Ça y est, c'est fait. J'ai pas mis ni courgette ni goutte d'eau. It's official. Faut qu'elle aille avec la photo. C'est fait. Alors, je voudrais juste. On va juste un petit truc avant de te, que tu repartes avec des cadeaux dans quelques minutes. Parce qu'à 45, hop, elle va à la gare. Yes, before you leave. On, on a vu un petit truc comme quoi tu luttais contre le harcèlement avec Cara. Je le prononce Cara Delevingne. Cara Delevingne. Ah. You like and Cara are against bullying on social. Yes, we have a campaign called cyberbullying. Voilà, c'est une campagne effectivement qui s'appelle cyberbullying. C'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Alors vas-y, je te laisse. It's not only happening physically, but it's also happening on the internet. And I think that's really important for people that have public voices like myself and like Cara, who has millions of followers, and me, who has millions of followers, to bring light to something that's so serious, because some people really get affected by it. And I can only imagine how hard it is, because when I grew up, or like when we all grew up, we didn't have it as kids. Oui, c'est vrai que elle, quand elle a grandi, ça n'existait pas encore. Et non. Elle a vraiment conscience que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est important pour quelqu'un comme elle ou comme Cara, des gens qui ont des millions de followers, qui ont une vraie plateforme, d'en parler et de mettre la lumière sur ce genre de problème. Nous, on essaie pas mal de fois. Voilà. On a essayé. They try as well. So I know, that's what I'm saying. But to bring, not to bring anything down, but it's very important that we stick together and that we support each other. And I don't want to sound like I'm preaching, but it's the truth. Je ne veux pas en faire trop, mais c'est la vérité en fait. Non, mais il suffit pas d'en faire trop. Il suffit juste de le dire et c'est très très bien. Yes, très très bien. Très très bien. You know, I think you will be ready for the Bataclan. Yes, because you for your French, I think your French is good. I'm sure qu'elle apprend vite. I'm sure that you understand very good French. Maybe. Are you better? I'm not sure that you speak very well, but you understand. I think I do. Yes. Oui, c'est possible. But why? Possible. C'est quoi, souvenir d'école? Did you study French? Elle comprend le français. Possible. C'est possible qu'elle ait fait un peu de français. No, I just like sometimes watch French movies. Ah voilà, non, elle regarde des films en français. Oh, oui, yes, oh, like yeah. What? Like, oh, no, I don't know how no. to... There's a film called, you know, there's a director over here, Gaspar Noé. Yes. And he, for me, he has a film called Love, which was shot here, I think, un in Paris. Un film qui a été tourné à Paris, qui s'appelle Love. And it was oui, really le film Very Sex. Very, yes, I know, but for, I like his work, I think he's very interesting, travail, en fait. So... I don't know. I just I see a lot. I like French culture, so I like watching. Elle aime la culture française, donc elle aime bien regarder des films en français. Gaspar Noé, c'est le film celui qui avait fait le film He's Very Sex. Qui avait été fait à l'envers aussi, si je dis pas de bêtises. Some people might think it's a bit too sex, but oui, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop sex. But French people like sex. Yes. Oui, les Français aiment le sexe en même temps. Non, mais en plus, elle a joué dans 50 nuances degrés. Plus you were in 50 Shades. Oh, sex. En parlant de sexe. No, yes, I was in 50 Shades. Yes, it was fun. I wasn't the naughty one in 50 Shades. C'était pas la coquine, elle précise. Comment? C'était pas la coquine. Non, non, bien que c'était pas. But it was amazing. Have you seen it? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. On l'a vu. Oh, nice. Okay, cool. Yeah. In French, I am the French. Oh, you're the French version. He's the French Christian Grey. You didn't know? Oh, sorry. Yes. Yes. You didn't know? No. Ah bah, elle savait pas. Before ou after, Mister Universe? Same time. Okay, same time. Dans mon rêve, c'était en même temps. In his dreams, same time. Attention, Rita, on va conclure. Elle est encore avec nous 4 minutes. Okay. Thank you. Tu es fan Four de minutes haute... before you leave. Elle est fan de haute couture. Elle avait été jury dans Top Model USA en 2016. Yeah, you were jury in a top model. Yes, I was looking at lots of beaucoup, beautiful models. Voilà, elle regardait beaucoup de très, très belles femmes, des mannequins. I had an amazing time in America and it was really cool. C'était très cool comme expérience. Met a lot of lovely women. Voilà, elle a rencontré des femmes charmantes. And sometimes I like making people's dreams come true. Et puis elle aime bien réaliser les rêves des gens parfois. That's why I do these shows. That's why I did The Voice. Elle fait The Voice aussi, tu sais. Oui, je sais. Because I find it really nice to kind of like, because I know how it feels to want to do something and struggle. So. Ouais, elle sait ce que c'est que de lutter et d'avoir vraiment envie de faire quelque chose. Donc elle aime bien pouvoir voilà, réaliser les rêves comme ça pour les gens. Rita Ora, est-ce que tu connais la mode, la collection qui cartonne cette année en France? Do you know the very trendy collection right now in France? Uh-oh, what is it? In France. C'est nouveau, c'est nouveau. It's new, hein? The gilet jaune. You heard of les gilets jaunes? You don't know the gilet jaune. The gilet jaune? The yellow vest. Yes. Everybody on the Champs-Élysées have a gilet jaune. Oh, really? Why? Yes. Really? Pourquoi? Really? Why? It's a French tendance. It's a French trend. It's a thing. It's just white, just yellow vest? Yeah, que des gilets jaunes. You're lying. No, it's a French touch. You want... You, tu peux gagner le gilet jaune Dior. I like it. Whoa. Oh, you can win a Christian Dior gilet jaune. I won one. Yes. Ah oui, so fashion. So fashion. Voici la question. Here's the question if you want to win it. Qui est l'égérie de Dior? Jennifer Lawrence, Emily Ratajkowski ou Angela Merkel? Who is Dior's ambassador? Jennifer Lawrence, Emily Ratajkowski or Angela Merkel? I think it's Jennifer Lawrence. Exactly. Yes. Yeah. La réponse. Mais ce n'est pas tout. Tu peux gagner le gilet jaune. I actually will wear that. Tu peux gagner, celui-là est pour toi. Tu peux gagner le gilet jaune Louis Vuitton. The Louis Vuitton gilet jaune. Oh, that's the one I want. C'est celui qu'elle veut. I think you should know that it was like rallies that took place this whole month in France. It's like a whole big thing. Okay. I'm not sure you want to wear it, but... C'est dégueulasse. Je vais m'expliquer ce que c'est quand même les gilets jaunes, quoi. Louis Vuitton. Vuitton. Quel est le prénom de Monsieur Vuitton? Jean-Michel, Kevin ou Louis? What is Mr. Vuitton's name? Jean-Michel, Kevin ou Louis? Louis. Exactly. C'était dur. Hein? Dernier cadeau. That was a trick question. Une question piège, ça. Dernier cadeau. Okay, last gift. Yves Saint Laurent. Oh, so good. This before or after Heidi Slimane? Ouais, avant ou après Heidi Slimane? I show you. Il te va super bien, Coco. Avec les franges. No, il te va fringes. Super bien. Il était pimpé. Oh, I love the fringes. Cette collection printemps-été. Yes, yes, yes. Oh, very beautiful. Il défile. Coco défile en maillot jaune. Appelez-moi. Coco. Wow. I'm gonna go with Heidi. Mais, Monsieur Univers. Voici la question. Ok, question. Question. Question. Attention, quel est le nom du parfum phare Yves Saint Laurent? Black Opium, White Cocaine ou Blumette? What is Yves Saint Laurent's very famous perfume? Black Opium, White Cocaine or Blumette? I mean, I know the answer, but Blumette sounds fun, but I'm going to go with Black Cocaine. No. No. What no, was black, it? Which one was it? Black Opium. Oh, Black Opium, sorry. Black Cocaine. Which one is it? Black Opium. Black Opium, oui. Right? I'm right. Yeah! Yeah! Elle va être belle là-dedans. Voilà, these are for you. J'ai juste un dernier conseil à te donner avant de partir. Last advice. Yes. Fais quand même très attention à la douane. Yeah, be careful when you pass customs. Oh, you do not want to wear these when you pass customs. Okay, can I have all of them? Elle peut tous les avoir? Bien sûr. Yes. Yeah, thank bien you. Sûr, bien sûr, les petits. Voilà. Gift. C'est cadeau. Je te fais un paquet. Gift. Merry Christmas to me. Voilà, joyeux Noël pour elle. Hein. On a le gilet jaune de plus, les gars. Je te mets la chaussette. Oh, okay. A little stocking as well. C'est petit cadeau et on va tous souhaiter un très joyeux Noël à celle qui était avec nous et qui sera au Bataclan Thank le you, 2 Rita. Mai. Thank you so much for having me. Happy Rita holidays. Aura. Merci à vous et bonne nous. Fête Thank à tous. You. Thank you. Very much. Ah, elle les prend vraiment en plus. C'est énorme. Et elle me barre mon sapin en même temps. Gros bisous. C'est énorme, elle prend les gilets jaunes avec elle. In French we say gros bisous à bientôt. Gros bisous à bientôt. That's good. Rita Ora est avec nous. Merci, on revient dans un instant. À tout de suite. Démarrez la fête du samedi soir sur Énergie avec l'émission référence des DJ. Le hit des clubs Énergie avec DJ Buzz. Tous les samedis, 20h, écoutez sur Énergie les 40 titres les plus joués en club. Partout en France. La référence des DJ. Le hit des clubs Énergie. Avec DJ Buzz. Le samedi, 20h. On the radio. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, oh, j'ai pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru. Le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix. Hein. Je préfère, merci.

entre 17h et 20h, Énergie vous offre le plus beau des cadeaux pour Noël. Coué, coué, coué. Un peu galère à emballer, mais ça vaut le coup. Ouais, 17h, 20h, c'est Coué sur Énergie. Quel kiff. Rita Ora était avec nous il y a quelques minutes. Demain, ce sera Jennifer qui sera là. On vous souhaite le plus beau des Noëls à vous tous, évidemment. Profitez-en bien. Ils sont en train de galérer à faire des barba papa. Il y a Jeff et Stouff qui font des barba papa. Qui en veut ? Ah, mais moi, si les gens. Moi, j'en veux bien je vous dire un truc, si les gens sont heureux dans cette émission, oui. Ça me fait plaisir. Barbanda, ouais. Ça a eu son Instagram, son Facebook live qui a marché. Il est content. Difficilement. Ouais, difficilement. Voilà, tout s'est bien passé. Allez, merci de nous suivre sur tous les réseaux. En tout cas, vous êtes super nombreux à être avec nous. Instagram, c'est Coé officiel. Pour me suivre. Non, j'aime pas ça. On veut pas ? Je sais pas pourquoi je tends la main d'ailleurs, j'aime pas ça. C'est vrai, il a une barbe. C'est un réflexe. Je tends la main et il me la donne. Je dis non, j'aime pas ça. Le vieux réflexe. Il a l'habitude des pizzas. J'ai des réflexes un peu conditionnés. Oui, c'est vrai, tu nous tapes les pizzas le soir. Oui, et pizza, j'aime bien. Je me force à pas la finir alors que la barbe à papa. Moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils m'en achetaient une et je l'achetais dans l'eau à Royan. Et quand tu l'achètes dans le port, ça fait. Ça fond tout de suite. Ah oui, oui. Je vous invite à le faire. Ah oui, dépenser 5 euros pour rien. Oh, ça coûtait pas 5 euros à l'époque, c'était 5 francs. Mais voilà, bon, on va se faire des bisous dans un instant. Demain, ce sera la dernière de la semaine, mais je voudrais que l'on fasse un jeu. Et de l'année, ouais, t'as raison. Ouais. Je voudrais qu'on fasse un jeu avant de se dire au revoir avec le public et avec des fans de Rita Ora. À gagner la tasse dans laquelle a bu Rita Ora avec la trace de rouge à lèvres sur le côté. Autant vous dire ça, si c'est pas un truc de fan, ça. Ah, grave. Ça, là. Tu la vois la trace d'ADN. Ah oui, il y a ses lèvres dessus. Tu la vois la bouche, là, tu la vois la trace si t'es fan. Et de nos jours, tu peux récupérer l'ADN. Hein. Mais attends, tu peux la cloner. Hein, ouais, ça. Faire un enfant Rita Ora. Tu fais ta Rita Ora chez toi, bien sûr. Mais t'imagines, c'est quand t'es fan. Alors, je vais prendre 5 personnes du public. Fan. Il y en a un qui est très très fan, il y en a un qui lève la main. Oh là là, il a le jeune homme, venez devant. Bon, vous allez voir, c'est qu'un truc de mémoire. Le principe est simple, il suffit juste d'avoir de la mémoire. Celui qui a le plus de la mémoire gagne. Je vais mettre Bordas au milieu de tout ça, puisque c'est un enfant. Il va dynamiser un peu le plus. Allez, vas-y, va avec allez, les autres. Let's go. Allez, j'ai besoin des filles, là. Allez, on y va. Des fans de Mademoiselle, on se met en position. Alors, il manque encore deux. Allez. Les fans de Rita Ora. Alors, on est bien, on est en position. Très bien, mettez-vous au milieu. Oh là là, j'ai l'impression qu'on fait un truc très compliqué. Ouais, c'est ça. Alors, c'est fou, hein, c'est incroyable. Alors qu'on demande 5 personnes en rang. Tu sais, je vais te dire un truc, je n'aurais jamais pu être instituteur. Ah, t'aurais perdu patience. Mais moi, des beignes, j'aurais jamais tenu. Mettez-vous en rang, ils partent, ils font des trucs. Ouais, mais c'est pas des maternelles, là, encore. Mais non, hein. Mais c'est ça qui est pire. C'est... Mais laissez tranquille, voyons. Ils ont 5 ans, je peux comprendre. Ils sont timides. Mettez-vous par là vers la droite encore un petit peu. Voilà le memory test. Qu'est-ce que le memory test? Je vais vous donner une phrase. Si par exemple, je vous dis. J'ai mis dans mon panier une orange. L'autre va dire j'ai mis dans mon panier une orange, une banane. L'autre va dire j'ai mis dans mon panier une orange, une banane, un citron. Le dernier, j'ai mis dans mon panier. Le premier qui oublie sort du jeu. Le gagnant au final repartira avec la tasse collector dédicacée par les lèvres et le rouge à lèvres de Rita Ora. Attends, c'est un beau cadeau. Hein. Voilà, attention. Hein. La prochaine, on jouera pour le papier toilette Kenji. C'est pas bien. Après usage. Ah, quand on est fan. Alors non, attention. Très peu servi. On y va. On a les prénoms. On va faire les prénoms demain. Rime. Florian. Salut Florian. Soraya. Amélie. Nicolas. Salut Nicolas. On y va. On reprend depuis le début après. Attends, on va commencer le memory test avec Coco. Répète-moi les prénoms des gens. Il y a Rime. Il y a Nicolas. Et puis il y a. Florian. Il y a Florian. Soraya. Amélie. Et Amélie. Ah, okay. Voilà, je retiens pas les prénoms. Alors. Coco n'aurait pas pu jouer. Écoutez, Nicolas. vous êtes prêts? Concentrez-vous. On commence par. Pour Noël, j'ai commandé. Pour Noël, j'ai commandé un pull. Pour Noël, j'ai commandé une place de concert. Est-ce que t'as compris le concert? Je m'en fous de ce que t'as commandé à Noël. Un pull. C'est, tu rajoutes le truc d'avant. Il faut que tu répètes ce qu'il y a été dit avant. Non, parce que si c'est le jeu, c'est juste de dire ce que t'as eu pour Noël. C'est pas. Tiens, tiens la tasse. Ah bah. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Mariah Carey. Non. C'est pour Noël, ça marche. Il a rajouté deux Mariah Carey. Ouais, ça passe. Toi, tu vas pas comprendre la règle du jeu. On y continue. Pour Noël, j'ai demandé un pull de Mariah Carey et une bague. Ok. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Mariah Carey et une bague. Cherche pas en trop. Or. Voilà, super. Cherchez pas trop non plus. Hein. Ouais. Prenez des trucs simples. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Mariah Carey et une bague en or et un chien. Ok. On y va, on continue. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Mariah Carey, une bague en or et un chien. Allez, Et tu rajoutes quoi? Et un collier. Allez. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré en or, une bague et un chien. Non, c'est pas le pull qui est en or. Allez, on continue, mademoiselle. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien et un collier. Et tu rajoutes? Un micro. Original. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or et j'ai oublié. Allez, ensuite. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier. Ouais. Un micro. Ouais. Et une fessée. Le coquin. Tiens, ça cartonne, ça, Noël. Pour les enfants, ça cartonne à Noël. On continue. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier. Ouais. N'aidez pas trop. Un collier. Attention. Allez, suivant, on va à côté. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, gagner, une bague en or, un chien, une fessée. Il faut qu'il réussisse. Faut qu'il réussisse son coup. Ouais, non. Si vous perdez, vous êtes à égalité. On rajoute un mot. Allez, vite. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un micro. Un collier. Allez, vous êtes à égalité, on la refait. Attention, pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier, un micro, une fessée, et je rajoute un écran plasma. Allez, vous me le faites. Allez, toi. Moi ? Oui. Okay. Bah, vous êtes plus que deux. Qui, moi ? Non, l'autre. Moi ? Bah non. Allez, vite. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien. Oui. Un collier, hey. Un micro, hey. Une fessée, hey. Un écran plasma, hey. et une moto. Bim, à côté. Il est pas bien là. Il est pas bien. Je la déteste. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré. Ouais. Un collier, une bague en or. Ouais. Hey.